C'est bien Bulle de rêve, en effet, non pas Bulle noire, à l'antenne avec plusieurs invités, vous allez voir. Et j'essaie de rebondir sur le fait que j'arrivais à l'heure et j'ai cette petite pique de Nicolas sur le fait que j'arrive à 56, mais j'y arrive pas, comme quoi des fois il y a des fois où j'ai une bonne répartie, mais des fois non, il m'a eu cette fois-ci, bravo. Nous allons avoir plusieurs choses aujourd'hui à Bulle de rêve, Bulle de rêve qui arrive un petit peu plus tôt, hein. Petit changement avec Bulle noire, c'est pour ça que là, voilà, on est aussi rapidement de nouveau ici sur cette antenne. Plusieurs choses, on finira l'émission avec Cécile Noesser, qui est pas encore là, mais qui arrivera pour nous parler de la galerie Miou. Vous vous rappelez, la dernière fois, c'était le producteur Emmanuel Alain Reynal, pardon, qui était présent ici. Il nous en a parlé un tout petit peu. Cécile Noesser va venir nous en parler. La galerie ouvre la semaine prochaine et c'est assez intéressant. Peut-être que l'un de nos invités présents ici, il a toujours plein de choses à dire sur l'animation, aura quelque chose à dire sur cette galerie. En deuxième partie, vous aurez une interview, ce sera l'invité du mois, ce qui s'appelle Ryo Orikasa. Alors Ryo, c'est R-Y-O, plus loin O-R-I-K-A-S-A. Ça, je vous dis ça pour les gens qui voudraient déjà taper un peu sur Internet, parce que j'ai pas eu le temps de faire de petits trucs. Donc Ryo R-Y-O-R-I-K-A-S-A, jeune réalisateur japonais très talentueux. Ça sera une longue interview d'à peu près 40-45 minutes, vous allez voir, mais que je trouve assez passionnante. Je remercierai le traducteur aussi tout à l'heure. Et en première partie, le générique vient, allez, vous l'avez tous reconnu bien sûr, Henri Mancini, donc musique qui était tirée d'une série de films et de dessins animés qui s'appelle La Panthère Rose. Dessins animés dont une partie des génériques des films ont été réalisés par un monsieur qui s'appelle Richard Williams, qui a obtenu le Emmy Awards pour l'ensemble de sa carrière l'année dernière. Nous allons parler d'Emmy Awards. C'est bien mis en place, hein. Olivier Catrin. Bonjour Alexis. Ça commence par une bêtise, ça commence mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reçu un Emmy Award, il a reçu un Lotte Renninger, oui, Award. Voilà. Ça y est, ça va me reprendre. Ok, d'accord, très bien. Donc, et Georges Hieronymus, bonjour Georges. Bonjour. qui est présent donc aujourd'hui. tous les deux sont présents pour nous parler donc des Emmy Awards. Et en effet, Richard Williams, avait, quand je dis Emmy Awards, c'est un peu compliqué là-bas. Ils ont pas, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un seul nom pour tout, ils ont un nom pour des trucs et puis un nom pour d'autres choses, etc. Enfin voilà. Les Emmy Awards, c'est né l'année dernière. C'est une volonté à la base, en tout cas, on en avait parlé déjà un petit peu ici, de Didier Brunner, c'est ça, qui, recevant le prix des Emmy Awards aux États-Unis, se dit, mais pourquoi on n'a pas ça en Europe, les Emmy Awards, hein, ça, ça récompense. Qui veut commencer? Bah, du coup, c'était un Winsor Mackey, du coup, et donc pas un Annie Award. Ok. J'ai les deux invités, là, qui veulent absolument... En fait, c'est sans vrai, s'ils veulent me piéger... Oui, bah ça, c'est une idée. L'idée, cette cérémonie et les Annie Awards existent depuis des années aux États-Unis, mais c'est vrai que ça concerne des films du monde entier en théorie, mais comme les votants sont uniquement américains, et ils votent pour les films qu'ils connaissent, et ils connaissent essentiellement des films américains, donc ça, c'est pas très représentatif internationalement. Et puis Didier pensait que c'était une bonne façon de mettre en avant les talents de l'animation européenne qui sont incontestables. Et donc, d'où cette idée. Alors après, quand on a une idée, c'est bien beau, mais il faut la mettre en œuvre. Et ça a pris un petit peu de temps, pas tant que ça finalement, puisqu'en deux ans et demi, on a réussi à monter le truc. Donc, il a fait appel à Jean-Paul Comin, son fidèle collaborateur, voilà, pendant des années et tout ça. Et puis après ça, sont arrivés Denis Valgenwitz puis moi, et on a essayé de lancer ce gros machin ça va être une deuxième édition maintenant. Donc c'est, on en est ravis. Des alliés de poids avec des gens comme Peter Lord, Bartman. Et alors, une des premières questions qui s'est posée, c'est comment on fait pour que ce soit une vraie association européenne, un vrai événement européen, parce que là, on était quatre Français à se regarder dans les yeux. On se dit, il faut... Voilà. Alors, donc, choisir un président emblématique. Peter Lord, c'est une figure de l'animation internationale, plus qu'européenne, hein. Et puis à la fois producteur, réalisateur et tout ça, donc c'était et juste pour symboliquement important. La petite chose, quelqu'un d'absolument passionnant, d'intéressant, aujourd'hui, ils ont annoncé, hier, avec David Sproxton, les deux personnes qui ont créé les studios Hardman. Hein. Studios Hardman, c'est voilà, c'est Gromit, c'est sûrement le plus gros studio en Europe aujourd'hui, et ils ont annoncé hier qu'ils laissaient leur studio propriétaire, enfin voilà, c'est les employés qui devenaient propriétaires du studio, et que David Sproxton et Peter Lord laissaient le studio aux employés afin de pérenniser et afin de pas laisser le studio, ce qui est assez exceptionnel dans notre monde aujourd'hui, que des patrons, on le sait, hein, laissent aux employés finalement l'entreprise. Donc voilà, c'est en plus quelqu'un d'assez passionnant. Oui, d'investi, et en plus il a cet humour anglais qu'on adore, donc il est très bien dans son rôle de président. Voilà, et puis on a construit un conseil d'administration avec des gens un petit peu de toute l'Europe, en essayant d'être le plus représentatif des métiers, des nationalités. Donc Georges, l'idée, c'est que vous avez des gens qui représentent les Emmy Awards. Tu vois, d'abord, Olivier Gatran, on le connaît bien. Ouais. Tu vois, on le connaît bien parce qu'il est là. Voilà, il présente depuis tellement d'années, etc. Surtout ici, hein, parce que ça fait 20 ans pratiquement que j'ai fait ma première émission ici. Bon, voilà. Toi, Georges, l'animation t'intéressait avant, ou tu viens d'un parcours si différent? Si tout va bien, je serai là dans 20 ans aussi. l'idée, non, j'ai fait un parcours un peu un cinéma général. J'avais fait du droit, du cinéma. J'étais vraiment branché dans la production et l'organisation, la construction d'un film. Et un petit peu par hasard, en rencontrant quelqu'un qui travaille pour Didier Brunner, l'ouverture s'est faite pour les Émiles, il cherchait quelqu'un pour la première édition. Et ce qui était temporaire est devenu, j'espère, permanent. En tout cas, je suis engagé. Donc ton rôle, c'est coordinateur. On est avec Mathieu Roussian, qui est délégué général. Les deux bras, si on veut, de l'association, on essaye de faire marcher, de faire fonctionner la machine. Voilà. Parce que coordinateur, parce que vous avez plein d'ambassadeurs, d'ambassadrices, c'est ça, à travers l'Europe. On a essayé de monter cette année. Il a l'air d'être assez stable. On essaie d'avoir quelque chose de pérenne, un réseau d'ambassadeurs pérenne qui va nous permettre d'avoir des porte-étendards, des porte-paroles dans chaque pays, et qui connaissent surtout leur milieu, le milieu de l'animation, leur milieu domestique, que nous on ne connaît pas forcément, et qui puisse répandre la bonne parole, tout simplement. Et répandre la bonne parole, et puis d'un seul coup, donc venir chaque année, si possible, fêter la Lille, encore cette année, pour la deuxième année consécutive, et il y aura encore l'année prochaine, fêter les 1000 awards, c'est ça? C'est ça, bah oui, l'idéal c'est de pouvoir, enfin l'idée c'est de pouvoir créer vraiment un événement dans lequel tout le monde peut se retrouver sans la pression. Par exemple, on n'a pas de WIP, on n'a pas de Work in Progress, on n'a pas de projet, il n'y a pas d'idée de vente, on vient avec des produits finis et l'idée c'est tous de se retrouver main dans la main et de pas avoir voilà cette idée de compétition non plus qui est quand même pourtant qui est quand même voilà si on veut mais pas sur des il y a pas un objectif il y a pas de l'argent à la clé il y a pas de sponsor à la clé il y a pas de de on vient tous se taper un peu sur l'épaule et dire on fait du sacré bon boulot et ouais. Olivier c'est dans le nord donc Lille toi tu es à Pictanovo depuis 2 ans 3 ans un peu plus de 2 ans ouais. Deux ans c'est quelque chose qui a été une évidence de l'installer là-bas dans le nord ça fait oh, ou non il y a quand même eu des on s'est demandé pourquoi à quoi ça servait de faire ce genre de choses. Alors je reviens au départ effectivement quand on était là tous les quatre à se dire comment on va faire une des premières questions c'est où on a lancé un appel assez vite à général disant qui a envie d'accueillir ce projet et moi entre-temps entre le début de cette histoire et cet appel moi j'avais rejoint Pictanovo non pas encore d'ailleurs j'étais déjà dans le nord mais j'avais pas rejoint encore Pictanovo je m'occupais de Noranim l'association régionale de l'animation et donc j'ai fait le lien effectivement pour que Pictanovo puisse faire une proposition à ce moment-là. Et il y a eu plusieurs propositions de différentes villes en Europe. Et il se trouve que la candidature de Lille est celle qui a retenu l'attention parce qu'elle était... Il y a plusieurs éléments. C'est vrai que c'était une vraie proposition, mais c'était pas la seule. Il y avait d'autres propositions qui étaient vraiment très intéressantes d'un point de vue accompagnement, soutien, lieu, etc. Mais probablement, ce qui a fait la différence, c'est que c'est deux choses, je dirais. C'est d'abord, c'est quand même une ville centrale européenne, donc c'est facile d'accès, on va dire. Et puis, c'est aussi une ville d'animation où il y a un travail formidable fait sur le public de l'animation depuis des années par Rencontre du Visuel, où il y a des professionnels, où il y a des écoles d'animation. Donc on s'est dit que ce serait plus facile de mobiliser le public dans une ville comme ça que dans une ville moins impliquée dans l'animation en général. Quoi. Donc la première... Vous en êtes content pour la première présentation finalement? Absolument. Une semaine avant, il y avait de l'angoisse de se dire est-ce que la salle serait pleine. On a eu peur du début jusqu'à la fin pratiquement parce qu'on a lancé le truc, on savait pas si on aurait l'argent. On a investi un théâtre de 1400 places. On s'est dit ça se trouve on va avoir 400 personnes. Enfin c'est on a oui. Alors le jour même on a été vraiment non par le jour même en fait puisque il y avait les réservations en amont, on a vu les chiffres monter etc. Mais on s'est rendu compte effectivement quand même quand on était là et qu'on a vu cette salle pleine, c'était magnifique. On a vu qu'il y avait un vrai enthousiasme par rapport à ça, avec des gens venus de toute l'Europe et aussi une participation régionale très forte. Intéressant aussi, c'est évidemment, et on en reparlera après que les nominés tranquillement, mais c'est évidemment votre volonté de mélanger tout le monde. Aussi bien la série, le long métrage, le court métrage, les films d'étudiants. Ah ben ça, c'est une volonté initiale des fondateurs, de ne pas se limiter à une catégorie, à un type de film, enfin d'œuvre, du coup, et vraiment de lier tous les professionnels et les techniciens, autant les techniciens que les artistes, peu importe le produit fini, parce que de toute façon, je suppose qu'eux aussi peuvent sauter de l'un à l'autre, et donc de ne pas les mettre dans un carcan. Voilà, essayer de se diversifier le plus possible. Ça a été de longues discussions, ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met le jeu vidéo, par exemple? Est-ce qu'on met le clip? Est-ce que il y a eu des tas de questions comme ça? La réalité virtuelle encore aujourd'hui. On pourrait élargir considérablement les choses. Et alors, je rappelle juste que le principe, c'est pas de récompenser les films, mais c'est de récompenser les gens qui font les films. Alors, donc voilà, les métiers. Deux petites choses. Il y a eu un, je trouve, j'ai eu la. Et c'est pour ça que l'année dernière aussi on n'avait pas fait ça. Les Mule Awards m'avaient fait confiance l'année dernière pour être membre de jury, enfin d'une des sections. Il y avait quelque chose qui était pour moi comme un petit bug l'année dernière, c'est qu'en effet on est là et je trouve ça important d'un seul coup que les noms ressortent et pas les noms des films parce que les noms des films sont connus. Et je trouvais que les noms ne ressortaient pas, notamment lors de la cérémonie. Par exemple sur les grands écrans, il y avait le nom du film. apparaissaient des fois très rapidement, mais finalement c'était souvent, enfin quand on regardait le premier nom, c'était le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, et finalement pas toujours du technicien ou de la technicienne. Est-ce que ça c'est quelque chose qui va être... C'est un bug, on va corriger ça. Ouais. Après, et parfois c'est compliqué parce que quand on récompense l'animation dans un long métrage, ça peut être beaucoup de noms, on peut pas mettre en valeur tous les noms, quoi. Oui, alors, on a eu des récompenses de meilleurs scénarios pour des séries où il y a plein de gens qui avaient écrit aussi, c'est pareil, enfin voilà, c'est... Mais ce qui est embêtant, c'était de mettre le réalisateur ou la réalisatrice finalement et de revenir, ou du producteur-productrice, de revenir finalement à un seul nom, alors que justement, les Emmy Awards sont là pour montrer cette... Il y a déjà une solution toute simple, c'est qu'on n'a plus finalement meilleur film, on a meilleure réalisation dans un long métrage, dans une série, enfin dans un épisode de série, dans un court métrage. Et donc justement, on a vraiment un poste réservé pour le réalisateur et il ne va plus déborder sur les autres autant qu'avant. Et puis on a d'autres solutions aussi. Si on a des équipes entières qui veulent être récompensées, elles le sont, mais sur le trophée, parce que physiquement le trophée n'est pas non plus, il fait pas divisible, toute une table. Oui, voilà. On demande des surnoms, un nom d'équipe ou quelque chose comme ça, avec lequel ils puissent quand même s'identifier. Juste pour que les gens comprennent bien, ça c'est important, c'est une association, c'est comme on va dire, j'ai oublié le nom, comité des Césars, enfin voilà, César, c'est qu'il faut payer. On appartient à cette... j'ai oublié le nom des Césars, ça s'appelle... Une académie. Une académie, merci beaucoup. Alors, donc, on appartient, c'est comme une académie, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Vous n'êtes pas un festival, c'est pas un festival qui vient sous l'eau, va se dire, je prends tel film, il y a... C'est les membres de l'académie, en quelque sorte, qui vont décerner les récompenses, les awards. Et donc pour ça, effectivement, il faut rejoindre l'académie. Alors c'est une académie qui est ouverte, on n'a pas besoin d'envoyer son curriculum vitae pour rejoindre l'académie. Et il faut en revanche être un professionnel de l'animation, donc il faut se déclarer en tant que tel et puis adhérer symboliquement parce que c'est 20€ l'adhésion, donc c'est pas non plus mais énorme. Voilà, mais il faut rejoindre l'académie pour participer à l'élection la remise des Césars. C'est un peu ça. L'académie quand même. Écoute, est-ce que j'ai mal lu ou j'ai cru voir sur le site que maintenant les étudiants européens, de toute façon, c'est gratuit pour eux. Oui, on a instauré la gratuité pour les étudiants. Il n'y a qu'à envoyer un certificat d'étudiant ou une carte d'étudiant, enfin quelque chose en bonne et due forme. Et au moment de l'inscription, l'inscription est gratuite pour les étudiants. L'une des critiques qu'on fait évidemment à ce genre d'académie, c'est que bien sûr, c'est ce qui se passe aussi avec les Césars, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour être dans le coffret des Césars, vous ne l'êtes pas, et qu'on en oublie finalement des gens qui peuvent être autoproduits. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez à court terme à un moment donné, de se dire parce que c'est compliqué pour... On n'a pas ce problème là, hein. On n'a pas ce problème là parce qu'en fait il y a un système d'éligibilité des films, donc il faut juste rentrer dans ces critères, qu'on soit autoproduit ou qu'on ne soit pas, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer pour que le film puisse faire partie du... Alors, si, mais ça reste très symbolique. Ouais. Ça reste très symbolique. Un court-métrage, à partir du moment où il est éligible, il y a des conditions d'éligibilité qui sont un prix reçu dans un festival européen, il y a une liste qui est affichée, donc ça peut être un film complètement autoproduit. Effectivement, il faut payer un petit quelque chose, et il faut payer un peu plus pour un long-métrage ou pour une série, mais c'est normal. Mais même quelqu'un qui aurait fait un long-métrage tout seul, ce qui arrive rarement en animation, pourrait se le permettre, je pense. Ça n'a rien à voir avec les tarifs des Césars. Okay. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que les ambassadeurs ont ce système de... On appelle ça un ambassadeur speak, enfin un choix de l'ambassadeur. Il y a un terme pour ça que j'ai oublié. Mais l'ambassadeur peut choisir un film originaire de son pays et bypasser, si on veut, passer outre certains critères d'éligibilité. Un peu comme pour les Oscars, le choix du pays, c'est voilà. Ça, il y a quelque chose à notre coup de se dire, ce film-là a tellement été important dans notre pays cette année qu'il faut qu'il l'apparaisse là-dedans. Ouais. C'est ça. Donc c'est gratuit et on permet de passer. Et donc du coup, on a un film cette année qui est Last Stop in the Moon. Un film de la réalisatrice lituanienne. Exactement. Mais vous pouvez prononcer son nom, Birut Sodekaïté. Exactement. Sodekaïté. Bon, je m'y ferai. Oui, qui est un choix de l'ambassadrice lituanienne et qui a été nommée. Voilà. D'accord. Donc il y a cette possibilité d'avancer. De parfait. 18, le temps passe toujours trop vite, évidemment. On va passer. Aux nominations, puis après on dira un petit mot sur la fête de l'anime aussi qui va. Les nominations, je vais dire, vous le savez déjà de toute façon, je suis en haut de la liste, c'est intéressant, mais il y a que deux nominations pour les courts-métrages. Deux catégories. Deux catégories pour les courts-métrages, une seule pour les étudiants. Et pourtant, Dieu sait si les courts-métrages ont besoin de se faire reconnaître, on le sait bien. Donc, Best Achievement in a Student Film, Best Direction in an Animated Short Film et Best Background and Character Design in an Animated Short Film 2. Et après, on en a des tonnes pour Broadcast et pour Feature. Pourquoi ? Alors, c'est pas assez, on est d'accord. Mais en même temps, ça s'explique. Il y a des raisons à ça. Quand on est sur un long métrage, on est sur des équipes très larges qui font les différentes choses dans le film, les différentes étapes de fabrication du film. Sur une série, c'est pareil. Sur un court métrage, pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est quand même le réalisateur qui fait la création graphique, qui fait l'animation. Donc il fait beaucoup de choses. Il fait souvent le storyboard. Et en général, il a écrit le scénario. Alors, c'est pas vrai pour tous les films, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas quand même où le réalisateur prend une place prépondérante dans la fabrication du court-métrage. Il pourrait y avoir une récompense en court-métrage sur le son et la musique, par exemple. Effectivement, et je pense que ce sera la prochaine étape. Le problème, c'est qu'on pouvait pas non plus créer toutes les catégories qu'on voulait pour pas avoir une cérémonie trop longue. Oui, donc, on a rajouté deux catégories cette année. Je pense qu'on en rajoutera probablement une ou deux l'année prochaine, mais on est obligé de faire attention à cet aspect-là. Est-ce qu'on est obligé de faire attention à tout? Quand je vois soundtrack d'un côté et sound design de l'autre, est-ce qu'il y a un lobbying? Et juste persuadé, je suis désolé, Ian Volsi, Philippe Boeuf. Enfin voilà, tous les gens du son que je connais m'écoutent, mais est-ce qu'il y a un moment donné, on se dit, putain, faut quand même là leur proposer ça, parce qu'on a, soundtrack et soundtrack qui sont deux choses différentes, on est complètement d'accord, hein, mais ça fait, évidemment, là, ça fait 4 places. Il n'y avait pas de pression de nulle part, c'était une décision interne qui était prise par le conseil d'administration. Enfin, validé par le conseil d'administration, et non, il n'y a pas eu de... Enfin, du moins, moi, j'ai pas reçu d'enveloppe. non, mais c'est vrai que c'est une question, on s'est posé la question de savoir si on pouvait... Au début, on avait l'idée de réunir et de récompenser les deux en même temps, comme on récompense en même temps le décor et la création graphique des personnages, par exemple. Avec l'idée que on peut pas avoir un bon truc d'un côté et pas bon de l'autre, quoi. Enfin, forcément, ça va ensemble. Le son de la musique, c'est un peu pareil aussi, mais bon, c'est pas évident parce que c'est pas facile de juger les autres. Ça permet d'en faire un dans le court métrage. Oui, mais peut-être que ça viendra. Peut-être qu'il y aura peut-être une catégorie pour ça dans le court métrage. J'en sais rien, mais après, il faut avoir la compétence aussi pour juger à la fois de la musique, du son. C'est pas évident. Hein. On a un jury spécial pour ça. D'accord. cette nomination pour les longs métrages, cette nomination pour la télé, une nomination pour le commission film, les commandes, et un donc pour les étudiants, deux pour les films, les courts-métrages. On n'aura pas le temps de tout faire, évidemment. Vous avez tout, de toute façon, sur le site des Emmy Awards. Ça s'appelle animationawards.eu. Animation Awards, AWARDS.eu. Ce qui m'a marqué, toujours impressionnant, mais c'est évident que ça, c'est quelque chose d'impressionnant, les 5 nominations pour le meilleur film d'étudiant. L'année dernière, il y en avait 3, donc maintenant, il y en a 5. Mmh. Vous avez écouté, parce qu'en effet, il y avait peu de choses. L'année dernière, c'était 3 femmes cette année. C'est 5 femmes qui sont nominées. C'est impressionnant à quel point les femmes, évidemment, étudiantes, enfin, en tout cas, là, sont, femmes réalisatrices sont présentes. Et un jour, il y aura 5 nominations pour la meilleure réalisation de long métrage, ce sera que des femmes. Faut on en est loin encore. Hein. On en est loin, mais c'est vrai que c'est impressionnant et c'est génial de voir ça. On a deuxième nomination d'ailleurs pour Paulina Sokolska. Merci. Donc, Naz Dolovier, film superbe, très très grande réalisatrice. Et 9. Je crois qu'il y a 3 exemples de double nomination les premières et deuxième années. Hein. C'est Paulina Sokolska. Gilles Cuvelier pour la pour le décor et la création de personnages en court métrage, et Ian Folci pour la pour la musique et le son. Ils commencent, ça commence à devenir des trucs. Hein, ils vont être nominés plusieurs fois. Je suis sûr qu'ils ont payé tous ces gens-là. Absolument. et donc bon, après il y a pas mal de choses. Ce magnifique gâteau considéré. Hein, ça a été une discussion. Complexe, mais qui est donc finalement en court métrage. Ce qu'on peut comprendre, Bleustrat 11, qui était le Grand Prix d'Annecy cette année, Egg. Et là encore, on a un mélange de trois femmes et trois hommes, parce qu'il y a une co-réalisation au niveau du court-métrage. Tu diras, Georges, ce qui t'a marqué, toi, mais moi, ce qui m'a marqué dans la sélection de cette année, c'est qui est... C'est beaucoup plus représentatif d'un point de vue européen. L'année dernière, on avait énormément de longs métrages français ou coproductions françaises et beaucoup de productions britanniques pour les films télé. Alors cette année, c'est quand même beaucoup mieux réparti. Ouais, il y a des pays très différents et alors il y a aussi 5 nommés par catégorie, mais je trouve ça très positif et c'est beaucoup plus équilibré entre l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. Il y a 9 nominations pour le Danemark, c'est incroyable. Enfin, voilà. Oui, il y a vraiment tout un... Georges, il y a quelque chose qui t'a... Non, mais c'est ça, mais surtout dans le long, voir des films qui sont pas issus forcément de la meilleure sélection d'Annecy ou de Zagreb, ou voilà, et qui sortent un peu des circuits triple A, je sais pas comment ça, on les appelle, mais je pense qu'un triple A, ça correspond. Et voilà, d'avoir ces films-là qui viennent de circuits secondaires remontés aux Zéniths. On a quelque chose qui est une évidence qu'appellerait Francis Gavel, hein, que vous connaissez souvent ici, le choix il avait fait pour Annecy des dossiers de l'écran. On a 4 des 5 longs métrages qui sont 4. Alors c'est vraiment un signe des temps, hein, les Emmy Awards font ça, qui sont sur des phénomènes, des faits historiques ou des faits qui sont en train de se passer. On a Another Day of Life, Funan, Téhéran Tabou et The Breadwinner, qui sont beaucoup sur le monde actuel ou un petit peu en vrai, c'est vraiment quelque chose qui est assez. L'animation change, elle parle du monde. Ouais, hein, c'est un petit peu. C'est vraiment ça, hein. C'est un signe fort là. Après, il y aura un changement, ça parlera aussi des êtres humains, des choses un petit peu différentes. Mais voilà, Crise de Suisse est aussi nominé. Mmh. C'est assez étonnant en tout cas, voilà, par rapport à ça. Dit Lily a quand même une nomination à Carol Lehmann, si j'ai pas de bêtises. Hein, voilà. Non, Lehmann on a plusieurs. Son Millennium. Et c'est vrai qu'il y a tout un mélange comme ça finalement, Captain Morten and the Spider Queen. Mmh. Il y a tout un mélange, hein, comme tu disais, de style, de films, enfin voilà quoi. Oui, on a du volume, on a des films pour enfants, on a du film en rotoscopie, c'est très varié. Hein. Comme il y aura toujours forcément, comme toujours, comme tout festival, comme tout, forcément des déçus, tiens, pourquoi tes films n'est pas, etc. C'est un comité de sélection toujours de 3 personnes, c'est ça qui choisit ? Oui, alors il y a 3 personnes pour le court-métrage et les films d'école, 3 pour le long-métrage, 3 pour les films télé et 3 pour le son et pour la musique. C'est ça, un total de 12. Et je tiens à préciser, parce qu'il a été dit qu'il y a eu du copinage pour certains films qui ne sont pas encore sortis au cinéma, mais le passage en festival rend éligible le film, même s'il n'est pas encore sorti en salle. D'accord. Je tiens à préciser parce que j'ai lu ça ce matin. C'est vrai. Ah, oui. Bon, de toute façon, est-ce que le fait même de faire quelque chose comme ça ne peut qu'amener finalement aussi la critique? Et s'il y a de la critique, ça veut dire que la chose se met en place quelque part malgré tout. C'est inévitable, et puis d'ailleurs on n'est pas exempt de reproches, parce que oui, forcément, oui. Deuxième édition, on fait des erreurs, on s'en rend compte, etc. Mais bon, on essaie de se tenir à un règlement qui soit cohérent, qui peut évoluer, qu'on peut corriger, etc. Mais bon, il n'y a pas de... Alors après, évidemment, les membres du jury connaissent des gens, ils sont influencés, mais ça c'est normal, c'est toujours comme ça. Je pense pas du tout qu'il y ait une action de lobbying et tout ça. Vraiment. Toi, Olivier, ton avis, or justement, Olivier Catrin, là, membre des Emmy Awards, moi j'ai fait une vidéo récemment en disant qu'il faut donner plus de prix, parce que finalement je pense que le prix en lui-même meilleur ne veut pas dire grand-chose. Par contre, donner plus de prix ne diminue pas le fait des qualités des films, mais permet de mettre en lumière finalement beaucoup plus de films, beaucoup plus de gens, finalement amène ça. Et moi, les Emmy Awards, qui est quelque chose, soyons clairs, qui pourrait me choquer, entre guillemets, j'aime pas l'idée de meilleur, l'idée de... Je me dis, au moins, c'est encore quelque chose qui, quelle que soit la personne qui gagne, finalement, c'est quelque chose où les gens se disent, ah bah tiens, ça va être des noms, ça va être des films vus, ça va peut-être être des choses comme ça, et que finalement, tout ça, plus de savoir si c'est le meilleur au monde, ou si c'est le meilleur en Europe, c'est aussi de mettre la lumière, en effet, surtout que là, on met la lumière sur le travail de gens qui sont pas mis en lumière. Enfin, c'est vrai que des décorateurs, des storyboarders, des gens qui connaissent pas le nom. Déjà, les réalisateurs d'animation connaissent pas beaucoup leur nom. Mais là, ces métiers-là, encore moins. Et je trouve ça formidable de voir des gens qui ont 30 ou 40 ans de carrière qui, tout d'un coup, pour la première fois de leur vie, reçoivent un prix important, quand même. Voilà. Ça sera toujours une... Comme l'année dernière, il y aura une grande cérémonie avec la même personne, je ne sais plus, qui commente sur scène, qui fait plein de Christophe, blagues. Christophe Hermès, voilà. Et qui sera accompagné aussi cette année de Kelly Beaton, qui est une humoriste anglaise, qui est passée là en ce moment. Elle a fait une saison 2 de QI avec Stephen Fry. Ok. qui fait du stand-up et qui est habitué de ce genre d'événement. Et comme ça, on aura deux animateurs. Ça permettra de soulager un peu le pauvre Christophe qui, l'année dernière, Était épuisé. Ouais, c'est sûr, c'est la fin. Mais... Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'un peu trop. Là, pour la deuxième année consécutive, alors c'est une femme, c'est bien, donc qui est le Terry Niger, après Richard Williams, canadien, mais quasiment anglais d'adoption. Claire Kitson, anglaise. Certes, une femme, ça change, mais alors, anglaise. Qu'on n'est pas un peu trop, des fois, comme tu dis, en français, français, anglais, il n'y a pas. Oui, alors c'est effectivement un nouveau citoyen britannique. Mais moi, surtout, le retour que j'ai eu quand on a annoncé ce nom-là, c'est mais qui c'est ? Pourtant, c'est une grande dame, hein, c'est quelqu'un qui a été. Voilà. En fait, bon, effectivement, le but de ce Lotte Reininger Award, c'est pas de récompenser une superstar de l'animation, c'est de récompenser quelqu'un qui a œuvré pour le développement de l'animation, qui a fait un travail, parfois qui a été mis en lumière et parfois moins. Claire Kitson, son travail n'a pas été mis en lumière. Je peux vous dire que les gens de l'animation britannique et qui ont vécu toute sa période de travail, ils savent ce qu'ils leur doivent à cette Claire Kitson. Ouais. Et donc, pour c'est les ça Français, qu'on va c'est mettre un peu en... là. Pour la vendre un petit peu, je dis c'est un peu une espèce d'Hélène Vessière. à l'époque, voilà, Channel 4, elle a produit les frères Coué, enfin voilà, énormément de monde. Oui, mais on pouvait imaginer que c'est européen et qu'il y aurait peut-être un petit geste fait à l'Est, par exemple. Et bien, des gens comme, je sais pas, un réalisateur tchèque, Jan Schwantmeyer, auraient pu l'avoir. Ça viendra. Et puis il faut profiter des Anglais avant qu'ils s'en aillent aussi, parce qu'après, je sais pas si on pourra. C'est vrai qu'on va plus les avoir. Cette année, on va partir assez vite. De toute façon, c'est quelque chose qui se remet avec l'événement des Emmy Awards. C'est la fête de l'anime qui avait un peu disparu, puisque Antoine Magnier, son créateur, va plutôt vers maintenant tout ce qui est motion mapping, projection mapping, etc., etc. Et c'est vrai que l'année dernière, vous aviez réussi à faire un petit événement autour de Richard Williams, un petit peu au dernier moment, malheureusement presque un peu vite par rapport à la personnalité de Richard Williams. Là, cette année, c'est justement... Il y a du monde, même si malheureusement, il y a un invité, superbe invité, qui n'est pas nommé dans les... je viens de rendre compte de ça, Boris Labbé, ouais. Qui est dommage, aurait pu être nommé aussi dans le meilleur court-métrage. Non mais... Oui, chacun sait. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de copinage. Donc la fête de l'anime avec pas mal de choses, de l'invité d'honneur Laika. Alors ils sont américains. Donc voilà, mais ils seront présents. Pas mal de masterclass. Il y aura une masterclass donc de Ludovic Berardo, Laika Studio. Une de Claire Kitson. Enfin, masterclass, une présentation de... Toi, tu feras Ludovic Berardo, c'est ça, Laika? Ouais, je ferai Laika. En fait, il y a deux choses qui se superposent, mais c'est bien qu'on mélange un peu les choses. En fait, il y a la fête de l'anime qui dure une semaine, qui commence le week-end d'avant, et qui a initié effectivement deux masterclass, qui sont celles de Boris Labbé et celles de Laika. Et il y a les deux jours d'événements... European Animation Awards, avec aussi deux masterclass, donc celle de Claire Kitson et celle de Peter Lott, que t'as pas encore annoncé, et des rencontres, etc. Donc les deux se superposent et vont se mélanger pour le grand public, et c'est très bien, ça donne une richesse de propositions. Ça veut dire que des gens peuvent venir, ça sera comme l'année dernière, c'est ouvert aux invitations, tout le monde peut participer à à la soirée. C'est-à-dire si quelqu'un se dit, tiens, j'ai envie de venir le week-end parisienne d'une école d'animation, se dit, tiens, c'est un super week-end, il y a Boris Labbé, Peter Lord, j'ai envie de les rencontrer, quelqu'un de Laika, c'est génial. Est-ce qu'ils peuvent participer aussi à la soirée? Ce sera ouvert à tous. La cérémonie, il y a une billetterie à part pour chaque événement. La cérémonie, du moins, une billetterie particulière. Okay. Gratuite, mais sur réservation, avec un accès au cocktail payant, si on veut upgrader son entrée et profiter et continuer après toute la soirée. Mais la cérémonie, la projection donc de Yellow Submarine pour ses 50 ans après la cérémonie est gratuite, il faut juste réserver. D'accord, bonne idée, Yellow Submarine en effet, les 50 ans du film présenté par Peter Lord. Non, c'est pas, non, on n'aura pas forcément... Je ne sais pas, on verra. Il a plein de Lego, de Playmobil. Il avait fait Yellow Submarine. Si Paul Driessen revient nous voir cette année, on lui proposera de présenter le film peut-être. Paul Driessen avait été animateur, sur le film. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas aussi que dans la garde-robe de Peter Lord, il y ait de quoi faire pour présenter Yellow Submarine. Donc voilà, donc juste un 5 au 9 décembre, en tout cas pour la fête de l'anime, avec pas mal de choses, la nuit d'anime, bien évidemment. Un best-of des écoles, ça c'est toujours intéressant. Donc les rencontres, profiter des rencontres, c'est vrai que c'est bien de voir les films. Les films sont entre guillemets un peu plus faciles à voir, mais c'est bien que les gens se précipitent toujours sur les séances. C'est toujours mieux de les voir sur grand écran, bien sûr, que sur petit écran. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que lors des rencontres, il y a souvent un peu moins de monde. Là, il faut espérer quand même qu'avec les beaux noms qu'il peut y avoir, j'aurais tendance à vous dire, précipitez-vous. Alors celle de Peter Lorre et Boris Labbé, j'ai la chance de pouvoir les animer. On devrait s'amuser avec Peter Lorre, puisqu'on l'a déjà fait une ou deux fois et que c'est quand même quelqu'un qui a un bon client, comme on dit, mais voilà. Et puis celle de Boris Labbé, c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant. C'est parti de ces jeunes auteurs qui, encore une fois, réfléchissent énormément à leur travail. Et je pense que ça devrait être aussi assez, enfin, je l'espère, assez passionnant. Et son discours, j'ai déjà eu la chance de l'interviewer une fois, et quand même assez passionnant. C'est aussi les moments, je le dis à chaque fois, et notamment aux étudiants de l'animation, de rencontrer ces gens-là. C'est des gens qui sont souvent assez ouverts. Moi, je me rappelle l'année dernière, c'était assez merveilleux. Il y avait des bénévoles qui faisaient la queue devant Tom Moore, devant voilà, des gens pour leur parler, etc. Et c'est quand même un moment. Est-ce que, faut qu'on termine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur les Emmy Awards que vous voulez, dire? Encore un autre événement qu'on a aussi le samedi, un autre rendez-vous qui est co-organisé avec la Guilde des scénaristes. On essaie de faire venir tous les nommés dans les catégories écriture, meilleure écriture, et les faire venir en avance pour que le samedi matin ils puissent discuter entre eux de comment travailler sur la série ou le long métrage. Du coup, pas, parce qu'il n'y a pas d'écriture dans le coup. Ça m'en est réfléchi, mais en tout cas, oui. C'est... Non, mais ça peut être de leur permettre aussi d'avoir l'estrade et de comparer leurs expériences personnelles. Bah, merci beaucoup à tous les deux, Olivier. Moi, je voulais juste dire un mot. Oui. Je peux. Mais bien sûr. Oui. Bien évidemment. En plus, tu me l'avais dit avant. Parce que j'ai un devoir à Samouni Road, et puis j'ai vu il y a 15 jours. J'ai même présenté une rencontre avec le créateur de l'animation de Le procès contre Mandela et les autres. Et je trouve ça formidable. Je suis content d'avoir vu ces deux films. Je suis content qu'ils existent. C'est de vraies propositions de documentaires avec une large part d'animation. Pas exactement la même fonction dans les deux films, mais avec quand même un peu l'idée que ce qui n'existe pas, on peut le faire en animation, mais en tout cas avec des partis pris très très différents. Et ça m'a passionné de voir ces deux films, et j'encouragerai le public à aller voir les deux films. Alors Samouni Road, il vient de sortir, ouais. Mais Le procès contre Mandela, il est déjà sorti il y a 15 jours maintenant. Juste Le procès contre Mandela, tout le monde se doute de quoi il s'agit. Samouni Road, en deux mots, parce que c'est un sujet qui est évidemment très très important. Il s'agit d'un événement qui a eu, en fait, d'une attaque de l'armée israélienne contre un quartier de Gaza, et des conséquences qu'il y a eu suite à cette attaque, et notamment autour d'une famille. Et donc la partie documentaire, on va dire, se passe juste après cette attaque, et comment on reconstruit tout ça, comment on gère. Il y a presque 10 personnes de la famille qui sont mortes au cours de cette attaque, donc c'est considérable. Et donc la partie animation permet d'évoquer ce qui s'est passé avant et pendant. Voilà. Et l'idée vraiment de... Avec un travail graphique de Simone Massy, qui est quand même un des grands maîtres de l'animation d'aujourd'hui. Alors en plus, on en reparlera un tout petit peu de Simone Road, puisque l'exposition qui ouvre la galerie, ça fait un lien. Et sur Simone Road, justement. Et ce qui était très beau, on avait vu la productrice qui disait bien que l'idée n'était pas de montrer toujours, justement, de montrer aussi des Palestiniens, montrer la vie d'une famille, ne pas les montrer uniquement ce qu'on sait, malheureusement, toute la difficulté de vivre dans ces territoires occupés, mais aussi de montrer vraiment comment une famille, là, de manière... Oui, c'est pas vraiment un film politique, c'est un film sur les gens, comment les enfants ne comprennent pas ça, comment les familles se reconstruisent ou essayent de se reconstruire, l'incompréhension des gens, enfin, c'est un petit peu ça, c'est un père qu'on a perdu... Olivier Jean, je merci beaucoup pour les Emmy Awards. Donc on suivra ça. Vous pouvez, je mettrai évidemment les liens. Vous pouvez même revoir la conférence de presse des Emmy Awards. Elle est en ligne. Et on peut voter aussi. Et vous pouvez voter. Donc vous pouvez vous inscrire et donc voter bien évidemment de suite dès maintenant. Alors là, c'est pour Nicolas. On va faire quelque chose qui va être un long pont. On va écouter la numéro 2 qui s'appelle Audio Architecture. C'est Cornelius. Vous allez voir, c'est un choix de Ryurikaza. Il a répondu à mon questionnaire. Vous savez, le questionnaire qu'on va avoir chaque mois maintenant sur plein de choses. Donc c'est l'un de ses choix. On va écouter l'interview donc qui s'appelle Int Rio, qui fait 38 minutes, qu'on va écouter en 3, et on enchaînera sur Mark Lauterman Happy, qui fera pont aussi avec Cécile Noesser, puisque c'était dirigé par, c'est un clip qui est dirigé par Alice Say, et qui est l'une des auteurs qui sera dans la galerie Miyu. Son clip a été absolument, voilà, il a eu des prix un petit peu partout. On reviendra après, on écoutera le questionnaire de Rio, et Cécile sera dans le studio. Et ben, on écoute tout ça. Donc là, c'est un long pont, on a, allez, ouf, quasiment 45 minutes, à mon avis, tranquille là. À tout de suite, à tout à l'heure. question, c'est l'écriture. Évidemment, c'est quelque chose qui est très important dans ton travail. Est-ce que tu considères cette écriture comme de la matière à travailler? C'est-à-dire, est-ce que quand tu prends de la pâte à modeler, du dessin, est-ce que cette matière-là te sert comme base pour toi, ton écriture de cinéma? そうですね。もともと、最初は、 Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai plutôt commencé à faire des films d'animation plus classiques, du type plus classique, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, moi j'ai animé en fait les personnages dans une histoire, mais en même temps, déjà en fait, mes protagonistes de mes films étaient souvent par exemple romanciers, et puis il y a eu souvent des scènes où ces personnages écrivaient des mots en fait, sur le papier. Donc voilà, finalement, je me suis rendu compte que j'étais très intéressé de travailler là-dessus, c'est-à-dire de créer l'image à partir de l'écriture. Et est-ce que donc la matière, tu l'as choisie en fonction de l'écriture? Par exemple, tu as travaillé avec de la pâte à modeler, tu travailles avec du dessin. Donc à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une matière différente pour chaque film. Comment tu l'as choisie, cette matière? Oui, c'est ça en fait. Je change de matière en fait, pour chaque projet, plutôt selon le projet, selon le caractère du projet. Par exemple, voilà, pour ce film-là, moi j'ai finalement utilisé le pâte à modeler comme matière, mais au départ, en fait, je pensais en fait dessiner sur le papier. Mais. L'idée originale en fait, de ce projet, donc c'était le poème de Yoshiro Ishihara, qui était considéré comme l'un des plus importants poètes d'après-guerre du Japon. En fait, lui, en fait, il disait qu'en fait, sa motivation d'écrire en fait, ce poème, c'était la passion de ne pas écrire, ne pas pouvoir écrire. Voilà, parce que en fait il y a une expérience, en fait il y a une espèce de trauma qui lui interdit de l'écrire, qui lui résiste de lui faire écrire. Donc voilà, pour en fait sentir ça, moi je me suis dit qu'en fait le fait d'écrire sur le papier, ça me convenait pas. Ça convenait pas en fait, cette passion, d'exprimer cette passion. Du coup, plutôt aussi, j'utilise pâte à modeler. En fait, chaque fois avec mon puce, en fait, je sens la résistance de la matière. Et comme ça, en fait, je me suis dit qu'en fait, pour ce projet, en fait, pâte à modeler, en fait, convient mieux. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc, ça veut dire que quand tu commences un projet, tu connais, par exemple, à chaque fois que tu as travaillé sur des auteurs, tu lis aussi beaucoup sur les auteurs eux-mêmes. Avant de commencer un projet, tu as lu sur Oscar Wilde, tu as lu sur l'ami Shaw, etc. Tu te renseignes beaucoup. そうですね。Oscar Wilde の時は違いましたが、その後のロラン・バルト、石原裕次郎、その後萩原朔太郎。 Oui, mais en même temps, c'était pas tout à fait le cas quand j'étais avec Oscar Wilde, mais avec les autres auteurs, comme Roland Barthes, Yoshiro Ishihara, Sak Talo, Hagiwara, oui, j'ai vraiment lu en fait tous ces œuvres en fait avant de se lancer la production. C'est-à-dire, voilà, mais des fois, en fait, comme il me manquait le temps, mais j'arrive pas à le faire, ça m'arrive aussi en fait de lire en fait, ces œuvres en fait après avoir en fait ce film, mais surtout, voilà, pour Roland Barthes, Sak Talo et Ishihara, j'ai vraiment lu à toutes ces œuvres, surtout pour comprendre en fait quel mot en fait veut dire en fait quel sens en fait pour cet auteur. J'en ai déjà parlé quand j'ai découvert donc ouais. cet artiste calligraphe, ça m'a fait penser un peu à ton travail, à certaines choses. Est-ce que tu as des références visuelles? Et les graphiques, est-ce qu'elles viennent beaucoup du Japon? Est-ce qu'elles viennent ailleurs de Japon? C'est quoi tes références visuelles, graphiques? そうですね。いくつか、まあ、作品ごとに違うんですけれども、例えば最初のオスカー・ワイルドの作品なんかですと、こう、 文字を組み合わせて、イメージにする。例えば、 oui, il y a des références en fait, mais ça change en fait du selon le film, selon le projet. Par exemple, quand j'ai travaillé pour Oscar Wilde, ça, voilà, c'est vraiment les caractères en fait, les signes en fait qui donnent l'image au film. Par exemple, quand il y a un mot, un prince. Ça, en fait, ça bouge, ça s'anime un peu comme le vrai prince, le personnage de prince. Ça, en fait, je me suis référé en fait, au calligraphe de Apollinaire. Voilà, l'écrivain français. C'est-à-dire, voilà, lui, en fait, il a vraiment fait des calligraphes en fait, qui existent vraiment concrètement comme visuel. それで日本の書道について言えば、僕は子供の頃、 par rapport à la calligraphie japonaise, en fait, moi, quand j'étais petit dans mon enfance, c'est-à-dire à partir de 8 ans jusqu'aux 14 ans, je fréquentais l'atelier de calligraphie dans mon quartier. Donc voilà, une fois par semaine, voilà, j'ai appris à faire la calligraphie auprès d'un maître. それでその書道っていうのはとてもこう、 en fait dans la calligraphie en fait, il y a toujours en fait, l'ordre en fait d'écrire en fait de caractère, c'est-à-dire un caractère composé de quelques traits, en fait il faut pas se tromper de l'ordre, il faut commencer par ce trait, le deuxième il faut que ce soit ça, mais si on se trompe c'est vraiment mal considéré, comme ça en fait j'ai appris en fait de la calligraphie selon un bon ordre du trait, du dessiner le trait. Et du coup, en fait, voilà, ça se consistait aussi à d'apprendre en fait la forme du de dessiner. Cela dit aussi en fait d'utiliser la bonne façon d'utiliser le corps pour dessiner le caractère. Ça veut dire, 今の自分のまあ活動を言うと、そのまあ字を習った厳しいこう。 Mais si je parle en fait de mes activités, en fait ma façon de travailler d'aujourd'hui, plutôt en fait j'essayais de m'échapper de cette forme que j'avais appris à l'époque dans mon enfance. C'est ça en fait ce que je fais en fait dans l'animation aujourd'hui. Pour rebondir, quand Pierre Hébert en fait était, il parlait du rapport du corps par rapport à la surface de travail. Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est important ? そうですね。ピエール・エベールさんの仕事は、 oui, effectivement, voilà, je pense que j'ai aussi en fait un peu le même rapport aux matières que ce qu'il a dans Pierre Hébert, que tu viens de remarquer. Et mais en fait, je n'ai un peu honte de dire ça, mais après, moi j'ai découvert en fait son travail après avoir réalisé en fait mon film Dayton Point. Voilà. Mais effectivement, quand j'ai découvert en fait son travail, voilà, j'ai compris que voilà, il avait presque les mêmes idées que moi. Donc c'est comme ça que je suis allé en fait à Montréal pour le voir. Et oui, effectivement, bah, j'ai le même rapport, si vous voulez. J'ai la tendance d'utiliser des matières assez analogiques. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, hein, quand même, je m'intéresse en fait, d'autres choses. Donc, voilà, j'essaie de parler. Pierre Hébert, ça, moi, Karen, ma tosak, ni. Gengo, Shintai, Technology, Langage, Corps. C'est-à-dire, donc, Pierre Hébert, lui, il a même publié un livre intitulé Langue, Corps, Technologie. Voilà, donc, en fait, ces trois éléments sont super importants pour lui. Mais moi, je m'intéresse juste, en fait, aujourd'hui, je m'intéresse juste, en fait, technologie, le troisième élément. C'est-à-dire, voilà, donc, Il y a toujours une innovation. Il y a toujours l'innovation de l'ordinateur. Il y a l'évolution technique de l'ordinateur numérique. Et même je crois qu'en fait le film d'animation soit aussi en fait doit s'évoluer en fait selon l'évolution de la technique de l'ordinateur, c'est-à-dire la façon de exprimer présentation. Voilà, c'est ça en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui. 水準原点の後、3つぐらい短い作品を作ったんですけども、それはいずれも紙に書いた。 Et après à d'autres points, moi j'ai réalisé trois petits films. Et pour tous ces films-là, en fait, d'abord j'ai dessiné sur papier, ensuite j'ai scanné et j'ai beaucoup travaillé en fait sur l'ordinateur jusqu'au point que en fait les dessins originels ne sont plus là. En fait. そのきっかけはあの日本のラップのミュージシャンである。 En fait, pourquoi en fait j'ai commencé en fait à travailler en fait comme ça, comme je viens de t'expliquer, c'était en fait parce que en fait il y a un rappeur, il y a un musicien de hip hop en fait qui m'a commandé à réaliser un clip. Ça en fait le titre de ce clip c'était State of Things. Pourquoi? Parce que eux en fait ils font leur musique un peu assez électronique. Du coup en fait quand je l'ai écouté, voilà sa façon d'en fait de travailler avec la musique électronique. Moi je me suis dit que voilà en fait je pourrais pas en fait faire un film qui s'adapte en fait ce genre si j'essaie de sauvegarder si j'essaie de garder en fait la même rapport avec la matière. というのも日本語であの書く、あの字を書くってエクリルの書くとあとデッサンするっていうのも同じ書く。 En fait, il y a un calligrapheur japonais qui, c'est ce qu'il dit, en fait, au Japon, en fait, écrire et dessiner et même gratter, ça, en fait, tout ça, en fait, on utilise le même mot, c'est-à-dire on dit kaku. Voilà pourquoi en fait pour ces trois actions les Japonais en fait ils utilisent toujours le même mot kaku. C'est parce que voilà selon cette calligraphe lui il dit qu'en fait ça en fait ça signifie en fait l'affrontement l'attaque entre deux matières en fait de ce qui se passe en fait voilà et c'est ça en fait. Mais en même temps, quand j'ai écouté en fait la musique, l'art musique électronique, c'est pas tout à fait le cas en fait. L'affrontement entre deux matières, en fait, le choc qui se naît en fait à partir en fait de cet affrontement ne convient pas tout à fait en fait à ce que la musique électronique. C'est pas la même chose qui se passe. Est-ce que je me trompe si je trouve qu'il y a un rapport différent à l'écriture entre tes deux premiers films, Scripta Volante et alors Notre Chambre, qui est un petit peu, et Datum Point. J'ai l'impression que quand tu utilises les caractères donc latin, enfin voilà, français, anglais, et les caractères, le caractère japonais, tu changes ta manière de faire. そうですね。まあ、日本語、もちろん母国語なので、日本語に対するこう、 Oui, c'est parce que le japonais c'est ma langue maternelle. Du coup, en fait, pendant longtemps, je me suis dit que c'était assez difficile en fait pour moi de traiter cette langue, parce que je sentais toujours en fait, une espèce de humidité en fait qui se dégage de cette langue. Et justement à cause de cette humidité, en fait, je me sentais en fait mal à l'aise d'utiliser la langue japonaise. Mm-hmm. その英語とかフランス語を見てもそのすぐにこう意味が入ってこないっていうことが。 Par exemple, quand je vois les caractères, le texte écrit en langue étrangère, soit l'anglais, soit français, les mots en fait ne me rentrent pas tout de suite. Je ne peux pas en fait saisir en fait, ce qu'ils ont. Tout de suite, mais quand je vois le caractère, les textes en japonais, tout de suite, ces textes me parlent. J'entends plein de choses. Justement, c'est pour ça que voilà, je me sentais en fait que ce serait difficile d'utiliser la langue japonaise. Mais après avoir en fait fait réalisé ces deux courts-métrages. Écrit à soi en anglais, à soi en français. Voilà, je me suis dit que peut-être maintenant je pourrais faire un film au Japon. それでそのノートエサンブルを作り終えた後、日本語に対して、 donc après avoir terminé un autre chant dans mon film, j'ai commencé à avoir envie de lire sur le japonais, surtout à la poésie, le poème. En fait, au Japon, il y a une revue de poèmes qui s'appelle Gendai Shitecho, si je traduis littéralement, le cahier de poèmes modernes. En fait, c'est une revue qui existe en fait, depuis 60 ans, qui s'est lancée juste après la guerre. Du coup, en fait, j'ai commencé à en fait, lire en fait, tous les numéros, à partir du premier numéro de cette revue. それでそのまあ日本語の日本の詩をまた読み直し。 Oui, en fait, j'ai commencé à donc comme ça, j'ai relire tous les poèmes japonais. Et dans ce processus, donc j'ai rencontré le poème de Yoshio Ishihara, donc l'auteur de l'œuvre originale de Daytime Point. Ça, en fait, quand j'ai lu en fait ce poème, je me suis dit que voilà, j'ai dit tout à l'heure que les Japonais, quand je lis les Japonais, en fait, les signes, les sens, en fait, se dégagent tout de suite du texte. Mais en fait, ce poème, en fait, n'était pas comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, lui, il écrivait le poème pour frapper le papier, ou plutôt, en fait, faire le trou, en fait, sur le papier. Donc, c'est-à-dire, c'était comme si, en fait, le poème était fait du bruit de ses frappes, c'est plutôt la percussion en fait des matières. Est-ce qu'on est d'accord que ta mise en scène, elle est simple, c'est souvent un cadre fixe. Par contre, le mouvement, il y a beaucoup de mouvement à l'intérieur en fait. La caméra bouge jamais. Ça, c'est important pour toi? あれはそうですね。僕の印象としてはその石原裕次郎という詩人は戦後。 Oui, en fait, donc l'auteur du Daytime Point, Yoshiro Ishihara, c'était quelqu'un qui était envoyé au camp de concentration en Sibérie pendant 8 ans après la guerre. Et en fait, il y a un texte en fait. À lui, en fait, qui parle en fait du souvenir de l'époque. Lui, en fait, il disait qu'en fait, pendant l'heure de repos, il regardait en fait la mer, le paysage, la mer, et il disait que voilà, j'étais là en fait tout seul comme ça, comme un singe, tranquille. Donc en fait, j'avais cette image là. Et donc, je reviens sur ça, mais c'est-à-dire que le mouvement, pour toi, doit venir de l'image, pas du mouvement de caméra. そうですね。アニメーションにおいては、僕はなんか例えば遠くの、ものが。 Je pense que... Oui, parce que dans le film d'animation, dans la représentation du film d'animation, les objets qui sont lointains, quand ils sont lointains, ils sont dessinés comme petits, mais quand ils s'approchent, ces objets deviennent plus grands. Moi, je pense que voilà, il faut garder en fait cette idée. C'est-à-dire l'idée de perspective doit être résolue à travers le dessin. Comment tu écris tes films? Est-ce qu'il y a un storyboard, un scénario? Comment ça se met en place un de tes films? Storyboard, とかについてです。それも作品によって変わるんですけれども、 ça dépend du projet. Ça dépend du projet, mais a priori à partir du writing flyaway, partie du film. Moi, je n'ai pas fait le storyboard ni le scénario. Plutôt, en fait, j'improvise complètement en fait, le mouvement. Et du coup, ce que je prépare en fait, avant de lancer la fabrication, c'est le choix de texte et le montage. Donc c'est sur le rythme du texte que tu fais l'improvisation. Enfin, comment tu as quoi? Tu as une, je sais pas, le texte devant toi, il est découpé, il y a un découpage du texte, c'est comme ça que tu travailles? C'est qui ont et moi et 単語の、さっきのね。 Oui, c'est ça à la base. Donc moi, j'en fais l'image à partir du texte. Et c'est-à-dire, voilà, j'essaie d'un peu déconstruire les textes pour avoir des images, mes images. Mais c'est ce que je ne fais surtout pas, c'est que en fait, moi je dessine et je vois le résultat, mais quoi qu'il soit le résultat, je ne redessine pas jamais. 例えば水準原点という作品だったら、撮影に11ヶ月使ったんですけれども。 Par exemple pour Data Point, moi j'ai mis 11 mois pour le tournage, pour le filmage. Donc c'est-à-dire au bout de deux mois, de premiers deux mois, donc j'ai regardé en fait, donc je ne fais l'animé à partir de ce que j'ai filmé et j'ai regardé le résultat. Mais après en fait pendant 9 mois en fait, je n'ai pas vu le résultat. J'ai continué à filmer. C'est-à-dire, j'ai fait un peu la même chose que ce que faisait en fait l'équipe du film de fiction de l'époque de Pellicule. あとは別のノートルシャンブルという作品で言えば、あのアニメーションタップという、アニメーターが。 Sinon, pour notre chambre, il y a un outil à ce qu'on appelle animation tap. C'est pour en fait il y a un outil en fait là où tu en fait on met des papiers sous, oui, voilà. le fait de flipper et le fait avec la barre de, voilà, tout à fait, oui, voilà. Tout à fait, la barre d'animation. Moi en fait j'utilise en fait je mets en fait au maximum de papiers en même temps sur, c'est-à-dire le maximum c'est 36 feuilles. Moi, je mets tout et puis je continue en fait dessiner sans regarder en fait ce que j'avais dessiné. C'est-à-dire, moi, j'essaie vraiment dessiner selon mon rythme corporel. Pour garder l'énergie. Énergie, notamment, c'est ça. Parce qu'en animation, on sait qu'on perd des fois à force de refaire les choses. Tu as besoin de ça, d'avoir un mouvement comme ça qui est continu presque. そうだと思います。まあ体のあの、 je pense oui, mais je pense pas que je travaille comme ça pour ne pas se perdre, mais plutôt en fait pour que je change. C'est-à-dire, moi je crois que dans le film d'animation, dans la fabrication du cinéma d'animation, il y a deux manières. C'est-à-dire, la première, c'est d'abord en fait décider l'objectif qui est l'image de clé. Après voilà, on essaie de faire un dessin pour remplir en fait entre les images de couleur. Je crois que c'est ce qu'on appelle in between. Et la deuxième c'est vraiment travailler en fait dans la chronologie. C'est-à-dire voilà, je fais cette image, première image, on fait deuxième, troisième, quatrième. Moi je complète la deuxième, je fais jamais en fait l'image de couleur. つまり書いている自分も、自分がどんなのを書いているか。 C'est-à-dire, en fait, finalement, en fait, c'est-à-dire, je dessine en fait quelque chose qui est assez éloigné d'en fait de ce que j'avais imaginé au départ. C'est-à-dire voilà, au départ je comptais en fait de dessiner ça, en fait quand je me rends compte en fait je suis vraiment au lointain. Pour moi en fait c'est ça en fait ce qui est intéressant de film d'animation, c'est-à-dire vraiment ce que euh, j'ai vu dessiner en fait, ce change en fait, dans le processus de fabrication. C'est le rapport à la musique. Dans les premiers, il n'y a quasiment pas de musique. Et à la fin, c'est même des clips. Mais même dans Daptoon Point, il y a beaucoup de musique. C'est quoi ton rapport à la musique dans tes films ? これもやっぱり作品ごとに、音楽の演出を変えるので。 Oui, voilà, ma façon d'utiliser la musique, en fait, ça change. Ça change du caractère, selon le caractère du projet. Pour Titan Point, moi j'ai utilisé en fait ce genre de musique, ce qu'on appelle le type un peu drone musique. Drone. あまり抑揚がなくてずっと平坦に続くような曲とか。 En tout cas, c'est une espèce de musique qui continue avec le rythme très plat. Pourquoi ? Parce que Yoshiro Ishikawa, en fait, il a donc cet auteur, ce poète. Lui, en fait, il avait fait un autre poème intitulé Mimi Nari no Uta, si je traduis littéralement le chant du tintement d'oreille. Donc, c'est-à-dire, moi, j'en déduis qu'il entendait en fait toujours des bruits dont son oreille ne sentait pas vraiment à l'aise. C'est pour ça que voilà, j'ai plutôt conçu en fait cette musique assez de musique de noise qui n'a pas vraiment de lutte, mais qui est assez plat. Borges, Oscar Wilde, Roland Barthes, Ishihara, maintenant Michaud, c'est que des hommes et ils sont du 19e et du 20e. C'est une coïncidence ou c'est vraiment une période qui l'intéresse et en fait il est plus intéressé par les écrits d'hommes que même de femmes. まあ次実はあの別の企画でバージニアウルフをやりたいと思っていて、それはまあ実女性ですけど、あのでも。 Oui, mais en même temps, par exemple, en fait, mon prochain projet, je pense en fait Virginia Woolf, qui est une femme. Et sinon aussi, par exemple, Oscar Wilde et Roland Barthes, ils étaient tous les deux homosexuels. Moi, j'ai l'impression que j'ai la tendance d'être attiré en fait à ça. Et sinon, voilà, à part Yoshiro Ishikawa, j'ai pensé en fait à quelques poètes aussi en fait qui étaient un peu par hasard en sexuel. Donc voilà, moi je pense que je n'ai pas vraiment choisi les textes des auteurs qui sont vraiment masculins ou en tout cas macho. ただその19世紀ってことで言えばやっぱりあのすごいこうかなり限定されたところから。 Quant au choix de l'époque qui est au 19e siècle, effectivement, j'ai fait le choix assez limité. Ça, moi, j'en suis assez conscient. C'est-à-dire, voilà, pour le moment, j'ai choisi soit l'anglais, soit le français, soit le japonais, qui sont en fait la langue officielle de ces pays, d'un pays. Voilà, c'est pas la langue minoritaire de la marche. Voilà, donc surtout en fait pour mes prochains projets, je pense en fait, bon ce sera pas le cas pour mon projet sur Michaud, mais pour mes prochains projets, je pense en fait traiter plutôt la difficulté, le problème de traduction, et puis aussi la langue de la pression en dialecte. Dans les deux derniers films, Endgame Study, donc il y a Endgame Study et puis voilà les deux derniers qui sont celui-là, ces deux-là, donc Sickly Figures Face at the Bottom of the Ground et Endgame Study, les mots disparaissent très vite et c'est presque plus des jeux de forme. Il en a, t'as envie de passer à autre chose que les mots. Les mots étaient dans tous tes premiers films, et là, t'as envie d'aller peut-être quelque chose de plus abstrait. le mot devient abstrait, c'est ça? そうですね。やっぱり文字を使ってると、あの、なんか文字の。 Oui, effectivement. Oui, parce que si en fait je n'utilise que les mots, allez, je n'utilise que les mots en fait des signes. Voilà, je risque en fait, je risque de me déterminer comme l'auteur qui n'utilise que ces mots. Voilà, moi je me pose la question là-dessus. Voilà, j'essaie en fait de m'échapper de cette image de moi-même. Et c'est surtout dans le film d'animation, et nous avons beaucoup plus de liberté. Donc maintenant, j'essaie d'utiliser d'autres choses que les mots. Et puis, mais ça ne veut pas dire non plus que j'essaie en fait d'utiliser des images plus abstraites, mais maintenant j'ai plus d'envie, de désir de raconter l'histoire. On a presque terminé. On a beaucoup parlé de technique, mais est-ce que tu considères qu'à travers tes films, tu as quand même une vision politique du monde ou philosophique du monde ? Le premier parle de ce prince, de cette statue, de la richesse, du pouvoir. Est-ce qu'à chaque fois, les textes essayent quand même d'avoir, encore une fois, un regard un peu politique quand même et philosophique sur le monde ? Effectivement, pour le premier film, Writing Fly Away, c'était le texte d'Oscar Wilde, mais qui était destiné aux enfants, c'était un conte pour les enfants, ce qui est assez plutôt rare en fait dans son œuvre. Effectivement, c'était un texte assez politique, c'est-à-dire voilà, l'histoire est très simple, c'est-à-dire voilà, c'est les enfants en fait c'est l'enfant qui donne le statut, le monument du prince au moment au début de l'histoire, le statut en fait est oublié. Mais au fur et à mesure, dans le déroulement du temps, voilà, ça se salit, en fait, le statut devient sale. Ça, en fait, ça parle beaucoup, en fait, ça représente tout de suite ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire la fin de monarchie. Voilà, effectivement, dans le sens, en fait, ce texte était assez un regard politique. Sinon, concernant Dating Point, c'est un peu difficile à expliquer en fait mon intention de ce film, mais ce que je peux dire, c'est que ce poète, Yoshiro Ishihara, son œuvre a été surtout voulu en fait après le 11 mars 2011, c'est-à-dire après le séisme, parce que Ashushka, en fait, le poème de Yoshiro Ishihara, c'est très important, surtout quand on a eu l'expérience dont c'est difficile en fait exprimer avec les mots. Voilà, c'est comme ça que ce poème a été, son poème a été commencé en fait réapprécié au Japon. Et puis quand j'ai terminé, puis j'ai montré en fait ce film, Dating Point, il y a la réaction du spectateur qui disait que voilà, ce film me rappelait le tsunami. Et ça, moi, je ne l'ai pas répondu très clairement, mais effectivement, pendant le processus, pendant la fabrication, j'en étais très conscient. Et dans notre chambre, c'est intéressant puisque c'est. On interroge les mots, puisque est-ce que les mots peuvent décrire une œuvre, alors que lui fait l'inverse, il prend des mots pour créer une œuvre autre aussi, et je trouve ça intéressant comme rapport finalement. Dans notre chambre, parce que notre chambre, en fait, ça parle, c'est Roland Barthes qui essaie de décrire Sitombly, donc un peintre, et donc il se demande si les mots qu'il utilise sont justes. Et donc je trouve ça intéressant finalement que lui ait un rapport inverse presque dans son film. Qu'est-ce qu'il en pense donc, de ça? そうですね。あの中でロランバルトはその 次、effectivement、ロランバルト。Voilà, il hésite en fait, il hésite de choisir un bon mot dans son texte pour parler de cet auteur, enfin pas ce peintre à ça est tombé. Mais c'est mais en même temps en fait lui voilà en même temps dans ce texte il dit même que en fait moi je veux dessiner comme il fait ça est tombé. Et en fait dans la vie réelle aussi en fait à partir de ce moment il a commencé à se dessiner par lui-même donc voilà c'est un texte dans son sens c'est assez intéressant parce que voilà ce qu'il pratique dans la vie réelle et puis à ce qu'il écrit en fait sont là en fait avec le même valeur voilà dans son sens moi je pense que c'était très intéressant et sinon quand j'ai fabriqué ce film au Japon il y a un phénomène qui critiquait l'identification par rapport en fait par exemple à l'accident au tsunami, aux victimes, c'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas victime des choses, mais vous parlez comme si, en fait, vous avez aussi la vécu. À l'époque, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui critiquaient ça, mais moi, c'est au contraire, moi, j'ai eu l'envie, en fait, de parler comme si j'étais, voilà, comme si je vivais vraiment ça, ouais, pour vraiment incarner. Deux dernières questions. Est-ce que tu te considères être dans une, je sais pas, une histoire du cinéma d'animation? Si tu devais te dire, je sais pas, tu prendrais Len Lai, McLaren. C'est quoi tes les auteurs dont tu te sens le plus proche? Trop d'esprit. Mais... Difficile. c'est pas grave, hein, si tu peux ne pas répondre aussi. まあでも今私のさっきも出たピエール・エベールさんに。 Oui, en tout cas maintenant, moi je considère Pierre Hébert comme vraiment un cinéaste d'animation très important. Par exemple, lui, il peut aussi s'éloigner de la projection en festival pour faire de performances, d'autres types de présentations d'animation. Moi aussi, comme lui, peut-être, je prends ce chemin-là. C'est-à-dire, voilà, je vais plutôt dans le format d'exposition, par exemple. En fait, c'était ma dernière question, donc ça tombe bien. C'était, est-ce que pour lui, c'est pour toi, c'est important justement de ne pas être uniquement dans l'œuvre cinéma, mais maintenant tu fais des installations, des clips, des choses comme ça. C'est important de ne pas être uniquement voilà, dans le court-métrage, mais de faire plein d'autres choses. Oui. merci beaucoup. Merci. Job and lives in his basement because he thinks all he reads on the internet is true. He thinks the Illuminati or the born again Nazis or the 9/11 Jews will come for his head and soon. And his phone causes cancer, so he never answers to his friends, and now they wonder if he's still alive. He just sits there all day with his gun pointed at the door, waiting for his chance to survive. Oh, it's such a shame, a bloody shame. I once knew a boy, 'cause we were friends for a while. He was 12 when he first did cocaine. I think he was looking for something more effective than his toys to get rid of the pain. My parents told me that I shouldn't hang around with a kid like him, cause he'd only bring me down. So I hugged him goodbye, and 2 years later I read in the paper they found him dead on the dark side of town. And oh, it's such a shame, a bloody shame, cause people should be happy. Watching Dr. Oz reruns as she's busy with her daily exercise. She's waiting for the episode where it turns his face to the camera and says, a death is a communist lie. She gave up smoking and walks to work every day. She sells the vitamin pills from her garage. And every Tuesday she discusses the Fukushima danger with her lady friends at the local spa. And oh, it's such a shame, a bloody shame. I heard some people think we're in control of our own lives, that we get what we deserve. I wish I could meet someone who thinks like that. I would put his girlfriend underwater till he admits that he ain't so sure. We get born and we die, and in between we try to make some friends and find some love. But we lay awake at night because we cannot understand that at certain moments a death is all we're thinking of. Ok, le temps, donc évidemment, là nous manque comme d'habitude avec Bulle de rêve. Donc on coupe Happy, vous pourrez le retrouver, de Mark Letterman, hein, et on va passer le questionnaire de Rio, puisque la prochaine, mon invité Sino Esser est arrivé. Donc on écoute le questionnaire de Rio, et on revient de Rio Ricasa, donc, et on revient juste après pour parler de la galerie Miyu. À tout de suite. Un album, t'as choisi. Ça fait Cornelius, Deep Blue Waves. Ouais. Toujours, je n'ai pas bien écouté la musique, mais Saikin Cornelius Rochigoto Shimashita. Tout récemment, j'ai travaillé avec Cornelius, donc voilà. T'as choisi aussi Daisuke Tanabe? Ah, oui. C'est qui? C'est un musicien électronique japonais. D'accord. Qui est track maker de la musique de The State of Sin. D'accord. C'est un ami. Et le dernier, faut que tu le dises en français. T'as choisi? Ouais. C'est juste mon ami m'a donné le lien. Parce que cette chanson est chantée. Ah, japonaise, je pense que oui. Qui connaît, oui. Et la chanson s'appelle La Javanaise. La Javanaise. Ouais. Qui est une chanson de Gainsbourg, normalement, mais là tu l'as choisi par Julien Doré. Oui. C'est ça. Qui est connu en effet, et ça a même été repris au Japon, en effet, par plusieurs chanteurs au Japon. Je t'ai demandé après un long métrage et court métrage. Long métrage, tu m'as dit Yasmin Ahmad, Talent Time, qui est un long métrage. Pourquoi? C'est malaisien, ça vient de Malaisie. Ah oui, Malaisie. Talent Time, c'était, moi, mon, Oui. voilà, pour moi, c'est le meilleur film. Presque. Toute l'histoire ici. Voilà. court-métrage. The Fall of the House of Usher, la chute de la maison de Usher de Jan Meyer, et quelqu'un que tu cites beaucoup, je te laisse le dire, l'auteur c'est, le deuxième c'est... Ah, David Bob, plutôt. C'est un auteur que tu cites tout le temps. Tu l'as montré à la Cinémathèque, à Montréal. Oui. C'est un auteur que tu aimes vraiment énormément. Oui. Ouais. Oui. un peintre ou autre beaux-arts, tu as choisi... Ouais. Lucien Floyd, ouais. Et Alberto Giacometti, and, Isamu Wakabayashi et Gozo Yoshimasu. Donc, Isamu Wakabayashi qui est un sculpteur. Oui, sculpteur japonais. Et Gozo Yoshimasu qui est un poète. Poète japonais. Son livre a été traduit en français. Un village ou un pays, t'as dit Itako, c'est mon ville, ma ville. D'accord. Et la seconde et Montréal. Montréal, ça a été très important pour toi à ce moment-là. Ouais. L'année que t'as passé là-bas. Ouais. Un livre de fiction. T'as dit trois auteurs. Ouais. J'adore Edgar Allan Poe et Virginia Woolf. Et Robert Balzac. Un livre de non-fiction, ouais. Tu as dit. J'ai choisi Comment vivre ensemble de Roland Barthes. Après, alors là, c'est plus particulier. ce n'est pas bon. Une nourriture, une boisson. La nourriture, tu as dit le poulet. Oui, poulet et tofu et légumes. Ok. Et après, j'aime bien, pour l'alcool, tu as dit... J'adore bière. Et après, j'aime bien ce que tu as dit. Tu peux lire en français. Chaque fois que je concentrais sur la production d'animation, je mange toujours la même chose. je t'ai demandé le tatouage que tu aimerais avoir. Malheureusement, je ne pense pas que je vais mettre des tatouages pour l'instant. D'accord, pas d'envie. Oui. Après, pour que tu répondes là aussi en français, je t'ai demandé un vêtement. Ouais. Et tu m'as dit... Okay. Je ne m'intéresse presque pas à la mode. J'essaie d'utiliser quelque chose que j'aime depuis longtemps. J'ai ban t-shirts gris, la même chose. Tu dis simple comme un personnage animé de la série télé. Oui, de télé. Toujours la même chose. Ouais. Un fait historique, politique. Tu disais que tu étais intéressé par les choses suivantes, ouais. La société japonaise et les problèmes politiques, tels que la reconstruction des zones touchées, ouais. Par exemple, ouais. Le tsunami, les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça va... changer la ville. Oui. Ouais. Donc, des choses. Oui. Tu dis la falsification des documents publics, donc la politique ouais. t'intéresse, mais tu dis cependant, je suis préoccupé par les relations humaines familières, plus oui. que tout ça. Oui, parce que pour moi, le political fact est tous les proches. Ouais. Moi, la politique, je crois que là, pour moi, la politique existe dans l'intimité. Très bien. C'est exactement un objet. On a quasiment fini un objet. Livre d'occasion. Ce qui n'est pas surprenant. Je t'ai demandé une image, une photo. Et tu m'as dit Yeko Shiga. Yeko Shiga, le photographe japonais. Une partie de ton corps. J'ai deux grosses topées sur ma visage. Je pense que je vais prendre long pour l'autre. Un jour, à un moment de l'année, tu m'as dit deux choses. Et la première. La première rencontre avec Takashi Ishida depuis environ 10 ans. Qui est qui est artiste japonais, qui est cinéaste, painter. Et la deuxième, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est prochain lundi, lundi dernier, un enregistrement avec Denis Lavin. Donc le célèbre acteur français qui va faire la voix, le texte de ton prochain film. Oui. Ça a été émouvant de le rencontrer, un moment important, vraiment. Oui, ouais. C'était bien. Et la fin, dernière question, une personne, un personnage qui te fascine. Et tu as dit... J'ai choisi un sculpteur japonais qui s'appelle Tsuyoshi Shima. Il est mon professeur quand j'étais étudiante à l'université. Il m'a donné beaucoup d'influence. Très influencé, c'était vraiment... Il a fait sa maison par lui-même. Et il a 8 enfants. Il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé. Et voilà, c'est Bulle de rêve. Le coup est un petit peu rapide. Voilà la coupure. Je voudrais remercier. Alors, j'ai mal prononcé. Telutalo Osanai, qui est notamment consultant au Festival des Trois Continents. Normalement, c'est souvent Ilan Nguyen que vous entendez traduire. Et là, pour une fois, donc Ilan, évidemment, est au Japon. Et Telutalo Osanai a gentiment, alors qu'en plus, il ne connaît pas l'animation, traduit. Et ça a été. C'était assez incroyable, c'est très gentil évidemment de sa part d'avoir amené, quand vous avez entendu le questionnaire, c'est bien Ryo lui-même, Ryori Kazal, le réalisateur, qui parle, il parle français, il a travaillé sur Roland Barthes, comme vous l'avez entendu, son prochain film est d'après Michaud, et il commence à lire, je lui ai sorti la disparition de Pérec, en disant est-ce qu'il connaissait, il dit oui, bien sûr, je l'ai déjà lu. Alors, il l'a lu en japonais, donc je lui ai demandé d'ailleurs, ils n'ont pas su bien m'expliquer comment en japonais ça avait été traduit, parce que comment on enlève le E, enfin voilà, comment on fait ça, mais il y a la même chose, il y a un phonème qui est enlevé, etc. Et il avait lu, il m'avait dit qu'il a commencé à lire en français, enfin voilà, donc c'est un personnage, et donc il parle en français à la fin, merci beaucoup. Je remercie aussi, alors j'ai appris quelque chose, c'est qu'à Miyu Productions, on boit beaucoup, beaucoup de café, et je remercie Miyu, puisqu'on a fait, l'enregistrement à Miyu, et donc voilà, il y a eu pas mal de montage, c'est pour ça que des fois vous entendez, j'espère que la personne qui toussait beaucoup ce jour-là va mieux, parce qu'il y a une personne dans le bureau d'à côté qui toussait beaucoup, le pauvre, et j'espère que la personne va un petit peu mieux, parce que c'était pas évident visiblement pour elle. Donc voilà, mais en tout cas merci à Miyu aussi de nous avoir prêté les locaux. Le prochain film, il l'a pas dit, mais le prochain film de Ryori Kaza, s'appelle Émergence d'après Michaud, sera produit justement, coproduit notamment par Miyu Productions. Miyu, vous en avez déjà entendu parler la dernière fois, on va reparler de Miyu avec Cécile Noesser. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, juste très rapidement, tu étais déjà venue, mais avant, donc tu es docteur en sociologie, c'est le dossier de presse, c'est bien de recevoir des dossiers de presse, il y a plein de choses qui sont marquées, et donc tu as publié en fait, d'abord c'était ta thèse, ton mémoire, je ne sais jamais, thèse. Oui. Ah, voilà, qui s'appelait La résistible ascension du cinéma d'animation, sociogénèse d'un cinéma bis en France, chez l'Armatan. Et donc, tu as été coordinatrice du Festival national de Bruit. Rennes, mais moins Rennes, tu étais déjà partie. Bah, on a commencé le tournant, et puis de toute façon, on était sur Rennes un peu depuis le début, et puis plus en plus. C'était quand même mieux. Jusqu'à s'y installer enfin. C'est bien Rennes, mais c'est quand même mieux, voilà. Et tu as fait des expositions d'ailleurs, déjà à travers le festival, et puis en effet, une qui s'appelait Une petite histoire du cinéma d'animation français, donc avec l'AFCA notamment, la bibliothèque publique d'information, enfin c'est le centre Georges Pompidou. Voilà, ça c'était pour dire les petites choses. C'est venu de toi cette envie d'un seul coup de mettre en avant des œuvres d'art, c'est venu de... Non, ouais. En fait c'était une proposition d'Emmanuel Alain Reynal, qui m'a proposé de lancer ensemble ce projet de galerie. Je pense qu'il caressait l'idée depuis très longtemps. C'est une idée de toute façon qui est tellement séduisante. Je pense que en réalité plusieurs personnes dans le monde de l'animation la caressaient déjà depuis longtemps. Donc c'est vraiment magique de pouvoir la mettre en œuvre en fait réellement. C'est important parce qu'on a cru à un moment donné, moi j'ai cru en tout cas qu'avec ça, j'ai oublié le nom évidemment, maintenant ce qu'on gros la grosse machine là vers Gare d'Austerlitz, donc le musée des arts ludiques, voilà, ouais, qui avait fait une petite galerie. À un moment donné, je me suis dit, ah, ça y est, ils vont à la fois mélanger du Pixar et du Schwankmeyer ou j'en sais rien. Et en fait, non, ils étaient restés sur les gros trucs. Là, c'est l'important, c'est de montrer justement, alors là, les artisans, ouais, on va les appeler comme ça, les auteurs de l'animation. Oui, oui, c'est vrai que nous, on a une ligne, on va dire, pour la définir un peu grossièrement, de cinéma d'auteur, en fait. Et surtout, entièrement centré autour des auteurs de films d'animation, là où le musée art ludique se consacrait aussi, et la galerie art ludique, aux auteurs de BD, de jeux vidéo, de l'entertainment en général. Nous, c'est vraiment la première galerie entièrement pour le cinéma d'animation et les auteurs qu'on aime. Donc, Alors, une galerie, alors, on va voir, ça va être plusieurs choses. On a très très largement parlé avec Emmanuel Arena la dernière fois. Il y a la galerie, on va d'abord parler de ça. La galerie, c'est un lieu qui se situe... Alors, c'est 18 passages du chantier, donc c'est un très joli petit passage piéton qui est derrière Bastille, donc c'est quand même assez idéal. Alors, vous ne précipitez pas, pardon, ça ouvre le 17. Oui. Hein, donc, dans un peu plus, une semaine pile. Voilà, samedi prochain. Pile, samedi prochain pile. Donc, 18 passages du chantier, comme tu disais, derrière Bastille. C'est un petit endroit cosy. Oui, c'est un petit espace, mais qui suffit pour mettre en valeur les œuvres. L'exposition inaugurale, on en a parlé un tout petit peu, donc va être sur le travail de Simone Massi pour Samouni Road. Ouais. Pourquoi c'est un choix Alors en fait, Simone Massi, c'était de toute façon un auteur qu'on voulait représenter. Et là, quand on a vu que le film sortait en novembre, qui était aussi le moment où on voulait ouvrir la galerie, on s'est dit que c'était idéal parce que c'était... En fait, j'ai eu un coup de cœur sur ce film, Samouni Road, que j'ai vu au Forum des Images suite à la quinzaine des réalisateurs où il a eu le prix de la caméra d'or, de l'œil d'or, le prix de l'œil d'or. Ouais. Et j'ai eu un grand coup de cœur sur ce film, et notamment sur les séquences animées par Simone Massi. Et je me suis dit que c'était vraiment une occasion en or, justement. Ouais. Donc en fait, on va présenter deux choses, à la fois le travail de Simone Massi sur Samouni Road, et aussi une sorte de rétrospective de son travail sur les autres films. Donc je dis rétrospective parce qu'on part quand même depuis un de ses premiers films, Niente, qui date de 95. Donc il y aura des dessins depuis Niente jusqu'à ses films beaucoup plus récents. Est-ce que c'est toujours commencer avec un nom, enfin le premier nom qu'on met en place, c'est quand même à la fois risqué, à la fois c'est vraiment montrer là l'envie que vous avez, parce que Simone Massi est certes un nom connu dans le monde de l'animation, mais pas tellement en dehors. Non, vous auriez pu commencer avec des noms que vous avez déjà dans votre base, comme Sébastien Lodenbach ou ce genre de choses. Ouais. Alors Simone Massi, il est quand même connu un peu à l'extérieur parce qu'il a un travail d'illustration pour des albums dans le monde de l'édition, etc. C'est un nom qui est quand même un des piliers de l'animation italienne et internationale. Et puis c'est vrai, comme tu dis, ça fait une sorte de signature, de signal en fait, de le choisir. Il a quand même cette posture qu'on lui connaît tous, d'artiste très intransigeant, entièrement dédié à son art, profondément passionné par et habité en fait par ce qu'il fait. Et clairement il y a ça, il y a le côté c'est un artiste engagé. Nous, on s'engage vers ce type d'auteur-là. Enfin, je pense qu'il y a quand même une filiation que j'aime bien, quoi, qui est plaisante. Les prochains seront toujours dans cette idée, on va parler d'expositions itinérantes, plutôt d'avoir un auteur mis en place, ou ça pourrait être comme les expositions itinérantes, on peut en parler dans des thématiques, ce genre de choses, ou ça serait plutôt non ? Ouais, ça serait... Oui, oui. Alors, en fait, il y a la galerie à Bastille, et puis en fait, on va développer aussi toute une activité d'expositions itinérantes et hors les murs. Donc des expositions à la location pour les médiathèques. Donc la toute première expo est partie à Antony, à la médiathèque d'Antony, pendant tout le mois d'octobre, pendant la fête de l'animation. Et c'était une expo collective autour du thème nature surnaturelle, donc la représentation de la nature dans le cinéma d'animation. Est-ce que ces choses, on pourra l'avoir dans la galerie Miou, ou non, ça sera non. Vraiment... Ouais. Ouais, ça c'est des expos qui sont faites pour circuler dans tous les espaces culturels, et on sera amené aussi à en créer spécialement pour des événements particuliers, des festivals, etc. Donc soit monographique, soit collective, effectivement. C'est quelque chose que tu as remarqué quand tu as travaillé pour Bru, pour l'AFCA, ou même c'est-à-dire que cette demande qu'il y avait d'expositions itinérantes, ou des gens qui d'un seul coup disaient on aimerait bien récupérer quelques planches pendant la fête de l'animation, un festival, ce genre de choses. Il y a clairement une fascination du public pour toutes ces œuvres qui sont cachées derrière les films, qu'on ne voit jamais. Il y a le fait qu'une fois qu'on a vu ces œuvres-là, on ne voit jamais les films de la même manière. Et puis il y a une sidération devant la beauté de ces dessins, de ces peintures, qui fait feu à tous les coups. À tous les coups. C'est une question, hein. C'est vraiment pas une. Qu'en plus on n'est pas non plus dans le monde d'un art contemporain qui serait difficilement accessible, pour lequel on a besoin un peu de médiation, d'accompagnement, etc. On est quand même dans un monde souvent illustratif. Même quand il n'est pas illustratif, il y a une volonté de raconter quelque chose. Donc il y a quand même une facilité d'accès de ces œuvres qui est assez universelle. Chaque image... C'était cette fameuse phrase, hein, ça fait un peu juste pour faire un télo de citer McLaren, c'est la fameuse phrase qui disait que l'animation était l'art, non pas l'art de l'image, mais de ce qu'il y avait entre les images. Je la fais un peu courte. Chaque image fonctionne, c'est-à-dire que d'un seul coup, est-ce qu'il y a des fois où tu vas regarder, on parlait de Sébastien Dunbach, une image de la jeune fille sans main, on sait bien comment il l'a fait, dire on peut pas le vendre. Ou alors la magie de l'animation fait que même ça, même s'il y a quatre traits entre guillemets même, il y a quelque chose qui fonctionne. Non, toutes les images ne fonctionnent pas. En fait, il y a un gros travail de prélèvement, de choix, de sélection, justement du dessin qui marche. Ça, c'est assez fascinant quand on se plonge dans une séquence d'animation, de réaliser que, c'est plus de l'animation, c'est des œuvres fixes. Et ça ne marche pas du tout de la même manière. Et donc, toutes ne se valent pas. Donc ça, c'est toi qui te déplaces, tu vas voir, tu regardes dans les archives des gens en disant « laissez-moi regarder, dire « ah, celle-là m'intéresse ». Je me suis beaucoup déplacée dans les ateliers, on a beaucoup discuté avec les artistes. C'est des discussions au cas par cas, en fait. Et puis on choisit ensemble, on revient sur la sélection, on rediscute. Ça doit être super enrichissant. Ouais. Pour soi, d'avoir les auteurs comme ça. Assez fou en fait de se plonger dans une séquence d'animation et puis de redécomposer le mouvement qui a été justement composé par le réalisateur pour créer un mouvement. Là, on fait une sorte de travail inverse, à rebours, et on aboutit à la plus petite unité possible qui a de la valeur. Enfin, c'est amusant cette espèce d'aller-retour. C'est aussi c'est une galerie, c'est pas un musée, hein, donc on n'est pas là juste pour, on est là aussi pour acheter, donc ça va être une galerie et il va y avoir des on pourra acheter directement, ça va aller de très peu, ça va de 125 euros à environ 3000 euros pour le moment, donc c'est que pour l'instant vous êtes obligé de choisir. Je pense que le choix doit être particulier puisqu'évidemment des gens comme Florence Millet, quand ils travaillent sur l'animation sur verre, elle efface tout. Donc, ça ne va pas être évident de... Du coup, c'est un des critères. C'est vrai qu'il y a, selon les dessins, ils ont plus ou moins de rareté. Il y a des artistes qui travaillent en effaçant ce qu'ils font, comme tu dis. D'autres qui dessinent, donc on a tout. Le dessin n'a pas du tout le même statut, il n'a pas du tout le même rôle, il n'a pas du tout... Est-ce que toi, tu vas accompagner Est-ce que c'est aussi, toi tu accompagnes par exemple, l'exposition lors de l'inauguration, tu seras là, t'expliques pourquoi le choix, t'expliques ce qu'il y aura des visites guidées. J'ai vu qu'en fait la galerie serait sur... ouvert sur rendez-vous. Du mardi au samedi. Ouais. Je donnerai après évidemment le contact par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est toi qui seras là par exemple des fois, c'est toi qui pourras donner aussi des choses par rapport au... Je serai là. Ouais. C'est vrai que le moment où on achète une œuvre, c'est un peu particulier, on a besoin d'être... c'est très spécial, quoi. C'est un moment que je découvre aussi en même temps que les acheteurs. Et donc on a besoin de discuter avec quelqu'un, de voir différentes choses, de savoir pourquoi on l'achète. C'est assez amusant comme moment. T'as une idée, même si elle est vague, tu pourras nous répondre dans un an évidemment, de qui tu vas avoir, parce qu'en effet tu parlais de marché d'art contemporain. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont des grands collectionneurs de cellulo, de Disney, etc. Bon, on aime aussi avoir des fois des originaux, mais c'est vrai que il n'y a pas un marché, a priori, en tout cas, je ne connais pas. Voilà, là, on fait un peu le travail pionnier qu'ont fait les premières galeries d'illustration, de BD, il y a 30 ans maintenant, mais sur un nouveau secteur. Mais voilà, je pense qu'il y a clairement, enfin nous, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une curiosité et même de l'impatience de la part de tout du monde de l'animation, y compris à l'international. Ensuite, nous, enfin, ce qu'on veut, c'est montrer tout ce travail-là, toutes ces œuvres en dehors du cercle de l'animation. Enfin, c'est vraiment la philosophie, l'idée, l'envie qu'il y a derrière cette galerie, c'est de sortir du cercle. De montrer la part artistique de l'animation et puis d'aller toucher le grand public, le monde de l'art en général, et puis d'exploser les frontières, quoi. Est-ce qu'il y aura des... Ça veut dire que vous avez déjà réfléchi, par exemple, tu as déjà réfléchi à, je sais pas, au nombre d'expositions qu'il va y avoir. Ça, par exemple, celle de... J'ai pas vu de date de fin de Samouni Rose. Oui, a priori, je pense qu'on va la garder 3 mois. Il y aura sans D'accord. doute 3 expos par an dans la galerie. Donc c'est assez long en tout cas pour les voir, d'accord. Ouais. Et puis évidemment il y aura toutes les expos itinérantes qui vont voyager un peu partout. Vas-y Olivier. Est-ce que Simone Massy va venir? Non, Simone Massy, comme à son habitude, malheureusement ne se déplace pas. Mais par contre on va accueillir Stefano Savona, le réalisateur de Samouni Road, qui sera là au vernissage. Comment était fait, alors je vais dire pour les gens qui connaissent pas, mais voilà, comment était fait le choix, alors les premiers artistes, hein, qui sont alors on a pas tellement surprenant Hugo Bienvenu et Kevin Mana, qui sont deux de Miyu, enfin directement Michel Ricranot, qui sont les derniers, notamment vers, sont produits par Miyu Productions, mais il y a plein de gens en fait, même la majorité, alors Sébastien Odenbach maintenant et Miyu, Paul Drissen aussi, tiens j'avais oublié Paul Drissen, mais sinon il y en a quand même, donc moitié quasiment qui sont pas, et je vais citer tout le monde, Georges Fitzgebel, Gréco et Buffa, Roberto Catani, dans le dernier produit aussi parmi eux, Céline Deveau, Virginie Keaton, Boris Labbé, Marie Larrivé, Florence Millaille et Alice Saé. Donc une partie, quand je dis produit parmi eux, l'autre produit non produit parmi eux, c'est toi qui as été les chercher de ton côté en disant Georges Fitzgebel, oui, non, je peux pas faire autrement. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, c'est même pas... Les artistes qu'on a choisis, qui sont produits par Miyu, j'ai envie de dire, c'est un... C'est un vrai choix. Enfin, c'est un choix, c'est pas parce qu'ils sont de Miyu. Non, c'est... pas ouais. du tout. En fait, c'est juste parce que, évidemment, il y a une continuité de ligne éditoriale. Mais c'est vraiment la galerie contemporaine de l'animation. Donc, on choisit des artistes parce qu'on pense qu'ils ont leur place dans cette galerie, parce qu'on les aime, on les admire. Et du coup, il y a effectivement des gens très reconnus qui ont un parcours important derrière eux, comme Georges Fitzgebel, Paul Drissen. Et puis, il y a des gens qui sont plus nouveaux arrivants dans l'animation. Et clairement, on a envie de continuer ce travail de défrichage des nouveaux talents. Olivier. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que le fait que la galerie soit liée au nom d'un producteur ne peut pas être un obstacle parfois pour certains artistes qui travaillent avec d'autres producteurs? Et je ne dis pas ça dans l'eau, effectivement. Jusqu'ici, écoute, le problème ne s'est pas du tout posé. Il y a clairement... en fait, c'est deux mondes différents. On s'intéresse à un aspect différent du travail de chaque auteur. Et en fait, on a des artistes qui travaillent avec toutes sortes de producteurs et ça pose aucun problème. Alors, j'ai au moins un exemple. Oui, dis-moi. Ah ben non, je ne le dis pas. Je serais curieuse. Tu veux dire de quelqu'un qui, par exemple, ne pourrait pas... d'un producteur ou d'un... Oui, c'est un artiste qui m'a dit qu'effectivement, ça posait un problème à son producteur. D'accord. Mais ça pose un problème à son producteur, mais ça veut dire que... Oui, tu penses qu'un auteur, par exemple, pourrait se dire, si le producteur dit, moi, ça m'embête... pourrait se dire, je vais pas y aller de manière à pas aller contre mon producteur, oui, c'est ça? En tout cas, quand on travaille avec un producteur, le fait d'exposer dans la galerie d'un autre producteur, ça peut être problématique à un moment donné, en tout cas, peut-être après. Voilà. Par exemple, là, on a Boris Labbé et Virginie Keaton qui sont tous les deux chez Sacrebleu, qui est pourtant aussi un producteur important. Enfin voilà, c'est pas non plus. Et puis Boris Labbé qui est quelqu'un qui expose lui aussi, de toute façon, aussi dans la presse. Ou Céline Deveau d'ailleurs. Après, les artistes sont libres, ils ont. C'est pour ça. Alors, ils sont engagés avec un producteur quand ils font un film. Après, quand ils ont terminé le film, ils regagnent leur liberté, on va dire. Il n'y a pas de contrat lié à un producteur comme ça. Je sais pas, Cécile, qu'est-ce que tu en penses, ça? Donc, En fait, clairement, il y a des producteur qui travaille avec des artistes qu'on admire et beaucoup d'artistes qu'on admire. Et du coup, clairement, il y a, bah, voilà, il y a des familles en fait de producteurs, d'auteurs avec lesquels on va se trouver proche fatalement. Mais jusqu'ici, ça pose pas de problème parce qu'en fait, c'est exactement comme ça que sont nés les galeries autour de la BD, d'illustration, c'est l'œuvre imprimée. Donc elle a un autre statut, elle est la propriété de l'auteur. Et du coup, jusqu'ici, ça se passe très bien. On pourra acheter les œuvres, parce que c'est la galerie est à Paris, mais on pourra acheter les œuvres directement sur le site. Oui, ouais. www.miou.fr/galerie. Ça, c'est important aussi d'avoir de pas forcément n'avoir que le... Il y a un peu aussi, pas marchand d'art, enfin pas un peu complètement marchand d'art, l'idée de ne pas forcément venir que dans la galerie, mais de pouvoir acheter finalement aux quatre coins du monde. Ouais. Bah oui, puisque c'est quand même un monde qui est très international, donc ce serait dommage, frustrant, ennuyeux d'être à Tokyo et de ne pas pouvoir acheter une œuvre chez nous. Alors je sais pas si c'est parce que la dernière fois que j'ai pas regardé le site, là j'avoue, qui vient d'être remis, la dernière fois que j'avais regardé ça, Emmanuel m'avait dit, Alain Reynal m'avait dit, oh, mais c'est pas complètement le site finalisé, etc. Il y avait des thématiques, des techniques, des choses comme ça, c'est toujours, c'est-à-dire qu'on peut prendre par rapport à une technique, on peut prendre par rapport à une thématique, quelle qu'elle soit, et d'un seul coup il va y avoir toutes les œuvres de cette thématique, ça permet de faire une sélection, de filtrer, par exemple, tu cherches un portrait, ou tu cherches un paysage, ou tu cherches une œuvre en couleur, ou en noir et blanc, ou tu cherches une œuvre à moins de 300 euros, voilà, c'est le type de filtre qui peuvent t'intéresser quand tu achètes. J'ai posé une question parce qu'elle est venue tout à l'heure, c'est pas forcément, heureusement que c'est pas une question qui va être à chaque fois sur le, même si elle est importante aujourd'hui. On est quoi, dans du 50-50 pour l'instant, homme-femme à peu près? Je regarde rapidement, j'ai pas fait l'explication. C'est possible. C'est pas un truc que toi vous avez fait attention. C'est pas un critère, c'est vraiment. Après, ça m'étonne pas parce que c'est représentatif du monde du court-métrage notamment, et puis de la création en animation qui est très féminine quand même. J'ai l'impression qu'on est encore un petit peu plus masculin que féminin pour l'instant. Quand je fais juste un truc, on est à peu près quoi, 8-6 ou quelque chose comme ça. Donc, même s'il y a deux couples, trois. Enfin, l'autre, c'est un duo. Trois duos, on va dire, pour pas parler de couple. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des gens, toi, est-ce que. Il y a des gens déjà que tu. Pour l'instant, c'est déjà très bien ce que vous avez là, ou tu es toujours en recherche, évidemment. Je suppose que tu as des envies, hein. Là je parle vraiment de recherche. Ouais. On réfléchit déjà aux prochains artistes qu'on a envie d'approcher. Et puis c'est clair qu'on a beaucoup, beaucoup d'envie en fait. Enfin, c'est inépuisable comme. Est-ce que c'est pas frustrant, ce genre de choses? Est-ce que toi qui connais les maçons maintenant depuis un bout de temps, qui connais, il n'y a pas à se dire ah, ça serait. Oh, je veux. Et puis. Un peu. Mais ensuite il va falloir équilibrer pour rester une galerie internationale, pour rester une galerie qui fait la part entre les gens confirmés, les émergents. Enfin, il y a plein de critères qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont nous aider à choisir. Et c'est pas frustrant, trois expos seulement par an? Justement. Oui, ça aussi, mais en même temps, c'est un démarrage, hein, c'est la première année, donc on arrive tranquillement, on teste des choses. Peut-être que dans quelques temps, on sera à un rythme effréné d'exposition. J'ai ça évidemment plus par le plaisir d'avoir, Olivier dit c'est du boulot, et c'est vraiment que c'est un énorme boulot, c'était plus le plaisir de se dire commencer par qui, avoir qui, et déjà rien qu'on voit la liste, et en effet, je pense que c'est plutôt une. Bonne chose. Olivier, t'en penses quoi, toi, de cette galerie, que ça soit mieux que ça soit, c'est pas accessible, mais d'une galerie qui met en avant comme ça ses auteurs? C'est comme les Émiles, il fallait le faire, ils l'ont fait. Les trucs qui s'imposent à un moment donné, je pense, voilà. Ouais, tu penses que ça, c'est vraiment. Comme le documentaire animé aussi, c'est pareil. Il y a des moments, le truc arrive à maturité, quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui a la bonne idée de se lancer là-dedans, et je pense que c'est le bon moment, quoi. On verra. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'il y a, enfin, sans vouloir minorer la part d'initiative personnelle, bien sûr, mais il y a un truc qui se passe dans l'animation en ce moment. Enfin, on en parlait il y a pas longtemps. Il y a 15 jours, sur une semaine, je suis allée au Louvre pour une rétrospective de pellicules grattées. Je suis allée à la Maison de la Poésie pour voir une performance de Virgin Keaton. 8 jours plus tard, j'étais à la foire Asia Now où il y avait une table ronde autour de l'animation chinoise contemporaine et de son rapport avec l'art contemporain. D'ailleurs, là, il y avait une conservatrice du musée d'art moderne qui avait l'air de bien connaître et qui parlait assez précisément du travail des animateurs, la différence, par exemple, entre les artistes qui font disparaître leurs dessins au fur et à mesure et ceux qui peuvent tout garder, etc. Enfin, une connaissance assez fine qui venait vraiment d'une grande institution de l'art contemporain, quoi. Et je me suis dit, mais ça, quand je suis arrivée dans le monde de l'animation vers 2009-2010, c'était mais impensable. On est, et moi, j'ai parlé d'animation à Sciences Po. Ça aussi, c'est un signe. Oui, c'est ça. C'est que tout ce que vous dites là, c'est qu'aujourd'hui, l'animation gagne des galons or, finalement, monde de l'animation, Georges. Si je peux, non, je trouve c'est intéressant parce qu'il y a peut-être le contre-coup aussi de l'anti-numérique. Ces temps-ci, on va plus avoir quelque chose, avoir une trace, quoi. Que ce soit dans le cinéma aussi, on veut garder quelque chose. On retourne à l'argentique beaucoup, que ce soit amateur ou professionnel. Et donc, oui, d'avoir une trace physique de l'œuvre d'un auteur, c'est intéressant. Bah, merci beaucoup. Donc, 18 passages du chantier. 11e, galeriemiyou.fr/galerie, sinon vous tapez Galerie Miyou, et donc ça sera ouvert à partir de samedi prochain. Ouais. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi. On va finir avec juste, le morceau est trop long, donc évidemment l'émission d'après pour apprendre. On finit avec Ennio Morricone et John Carpenter, leur musique pour The Thing, que j'ai revu cette semaine, et qui est finalement super bien. J'avais le truc, celui de Howard Hawks m'a emmerdé royalement, que j'ai revu. Pourtant c'est un grand nom, mais là je trouve très très intelligent et assez intéressant, avec des effets spéciaux de robotine absolument sublimes. On écoute juste un tout petit peu, et quand Carpenter fait du Morricone, et surtout du Morricone fait du Carpenter. À bientôt.